On va tenter la météo en français. La nuit prochaine, elle sera encore bien étoilée. Les minima descendront entre 2 et 5 degrés. Demain, encore un soleil généreux le matin, puis l'après-midi, on surveillera quand même quelques nuages bas qui nous viendront d'Allemagne et qui pourraient assombrir progressivement le ciel d'est en ouest. Les maxima seront assez semblables à aujourd'hui. Et pour vendredi, les nuages seront plus nombreux et l'on n'exclut pas localement en Ardennes quelques faibles bruines. Vous écoutez Vivacité, il est 17h. De gros soucis sur le rail, cette fois ce n'est pas une panne de courant mais une alerte à la bombe qui a paralysé la gare du Nord en début d'après-midi. Les navetteurs devront prendre leur mal en patience, comme hier. L'avocate Bernard Westphal tente de convaincre les jurés que son client n'a pas tué Véronique Pirotton le 31 octobre 2013. Trop de doutes dans l'enquête, des doutes qui doivent profiter à l'accusé. Nous rejoindrons Fabrice Gérard à la cour d'assises de Mons. Il y en a deux nouvelles chaque semaine sur le marché. Deux nouvelles pilules d'ecstasy, de drogue de synthèse bricolées par des apprentis chimistes qui circulent en toute impunité sur le net et ailleurs. Des drogues qui tuent et qui peuvent handicaper à vie. Témoignage dans ce journal. Un drone pour aider Roberto Martinez. Aujourd'hui matin à Tubize, les Diables Rouges sont entraînés sous la surveillance d'une caméra au perché. Et puis nous partirons au marché, le marché du village ou de la ville qui perd parfois un peu de son intérêt pour les clients. Dans certains marchés, il y a trop de textiles, pas assez d'alimentaire. Et ici à Vizy, la tendance était à ça. Alors Vizy a élaboré une charte de qualité pour les maraîchers, histoire de redorer le blason de son rendez-vous du mercredi matin. Et vous l'entendrez, ça marche. C'est l'heure du journal sur Vivacité, c'est avec Manu Delporte. Bonjour Manu. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Branle-bas de combat ce midi à Bruxelles, la gare du Nord évacuée, puis celle du Midi partiellement évacuée aussi. En fait, tout s'est figé, les trains, les trams, les métros, les bus, même les bâtiments du parquet ont été évacués pendant un temps. Finalement, plus de peur que de mal, tout a rouvert un petit peu après 14h30, mais la circulation des trains, elle, reste compliquée cet après-midi. Frédéric Sacré, porte-parole d'Infrabel, souligne que la situation concerne pratiquement toutes les lignes, il faut dire que 1200 trains passent chaque jour par le nœud bruxellois. Les conséquences de ces alertes sont très importantes, principalement, il faut bien le dire, de l'alerte qui a été donnée à la gare du Nord, puisque pendant plus d'une heure, le trafic ferroviaire a été totalement à l'arrêt, et ça a pour conséquence de se répercuter sur à peu près toutes les lignes de notre réseau, puisque la gare du Nord occupe une position centrale dans le réseau ferroviaire belge. On met tout en œuvre pour que le trafic revienne le plus vite possible à la normale, mais quand on a comme ça des centaines de trains qui ont été concernés, il faut s'attendre ce soir à des suppressions de trains, mais également à des retards importants et vraiment très vraisemblablement jusqu'à la fin de l'heure de pointe du soir. Frédéric Sacré d'Infrabel avec François Heureux. Deux policiers blessés aussi ce midi à Scarbec, on en sait un petit peu plus. Un homme contrôlé par la police s'est rebellé avec un couteau. Il a blessé un policier au ventre, l'autre au cou, un témoin a tout vu. J'ai vu l'agresseur qui frappait le policier à terre et il s'est mis sur lui, il l'a frappé au sol. Le policier s'est roulé un peu dans les buissons pour essayer de s'enlever, mais il l'a suivi, il continuait de le frapper. Et après, il a frappé la dame, elle est tombée, elle pleurait, elle était en sang. Le premier policier blessé était en uniforme. Oui, il était en uniforme et il avait son gilet pare-balles ouvert. Et la police est arrivée à ce moment-là et ils sont sortis de la voiture et ils l'ont tiré dessus. Des propos recueillis à Scarbec par Myriam Ball. L'agresseur effectivement a été blessé à la jambe alors qu'il tentait de s'enfuir. C'est le parquet fédéral qui est chargé de l'enquête. La piste terroriste est évoquée. L'auteur de l'attaque au couteau serait un ancien militaire belge de 43 ans. Le juge d'instruction spécialisé en matière de terrorisme donc décidera de son maintien en détention éventuelle. Grosse affluence à la cour d'assises de Mons aujourd'hui. C'est un peu comme si une star était attendue. On a fait la file dès 6h du matin à Mons pour pouvoir rentrer dans une des deux salles mises à disposition du public. Le procès de l'ex-député Bernard Westphal est très médiatisé, très prisé du public depuis le début. Mais alors aujourd'hui, la plaidoirie de Jean-Philippe Mayence a vraiment attiré les foules. L'avocat de la Défense détaille chaque point qui permet de douter de la culpabilité de son client, Fabrice Gérard, et le doute, il l'a rappelé, doit bénéficier à l'accusé. Oui, c'est effectivement ce que martèle hein, l'avocat de Bernard Westphal depuis le début de sa plaidoirie. Si doute il y a, eh bien, il doit toujours profiter à l'accusé. Or ici, insiste Jean-Philippe Mayence, aucun expert n'a pu totalement écarter la thèse de l'overdose alcool-médicament. Alors, à l'heure où je vous parle, hein, la défense de Bernard Westphal est toujours en train de plaider, point par point. Jean-Philippe Mayence tente de renverser les éléments à charge de l'ancien député wallon. Je ne laisserai rien passer, même si cela doit durer des heures. Et tout ce que j'affirme, eh bien, vous pouvez le vérifier dans le dossier. L'objectif, c'est de mettre en lumière les failles, vous l'avez dit, les imprécisions de l'enquête, et de combattre aussi, il faut le dire, les a priori hein, qui pèsent sur cette affaire Westphal. On se bat contre cette inculpation abusive d'assassinat depuis le début, s'emporte Jean-Philippe Mayence. Or, toute l'enquête de personnalité le démontre. C'est un pacifiste. Il n'a jamais été violent avec personne. Et l'avocat d'enchaîner, Bernard Westphal aimait sa femme plus que tout. C'est le couillon parfait, celui qui subit quasi sans rien dire la double vie de son épouse. Jean-Philippe Mayence enchaîne, fixe chacun des jurés dans les yeux. Mon client était au courant de la relation adultère de son épouse avec Oswald de Kock depuis des mois. Et il n'a rien fait. Plus encore, le jour du drame, il intercepte même un coup de téléphone de l'amant alors que lui et Véronique Pirotton sont dans la chambre d'hôtel. Et que se passe-t-il ? Rien du tout. Alors Jean-Philippe Mayence demande où est l'élément déclencheur qui a fait que Bernard Westphal a, je cite, « pété les plombs et étouffé sa femme ». Il n'y en a aucun, conclut l'avocat de Bernard Westphal. Merci Fabrice. Fabrice Gérard avec les moyens techniques de Vincent Brichet. Demain, les répliques, puis les derniers mots de l'accusé avant les délibérations. Bonne nouvelle pour les employés et les clients des magasins MS Mode. Oui, les curateurs de l'entreprise déclarée en faillite ont retrouvé un repreneur pour 24 magasins sur 46. Pour ouvrir les magasins fermés, et le repreneur va réengager 132 personnes. Le nom du repreneur n'est pas encore connu. Les syndicats seront fixés sur le coup de 18 heures. Les syndicats et la direction d'ING qui seront entendus à la Chambre vendredi. Vous le savez, la banque vient d'annoncer 3000 licenciements et la fermeture de 600 agences. Eh bien, la direction devra donc s'expliquer en commission à la Chambre vendredi, jour de la manifestation des travailleurs d'ING devant le siège central à Bruxelles. Notez que le personnel du centre administratif de Record Bank à Gand, lui, a déjà arrêté le travail une heure ce mercredi. 17h07, lors d'une question, entre-t-on dans nos centrales nucléaires comme dans un moulin ? Un audit interne évoque de graves failles en matière de sécurité. Un audit que s'est procuré le député écolo Jean-Marc Nollet. Dans les centrales, on distribuerait trop de badges d'entrée. On ne serait pas assez à cheval sur le cryptage de certaines informations. Alors Electrabel reconnaît qu'un audit a été réalisé en 2014-2015, qu'il met au jour quelques points problématiques, mais que l'entreprise affirme que les problèmes sont aujourd'hui résolus. De son côté, le gendarme du nucléaire en Belgique, l'AFCN, l'Agence fédérale de contrôle, a prévu des inspections en 2017, histoire de vérifier que tout est effectivement en ordre depuis les rectifications apportées par Electrabel. Superman, la fraise, la Blue Magic, les drogues de synthèse ont de jolis noms, mais elles font des ravages. Oui, parce que des drogues de synthèse, on le sait, il y en a plein. Toutes les semaines, la police en découvre sur Internet. Elle découvre deux nouvelles variétés par semaine. Elles peuvent être très dangereuses. Certains jeunes sont morts ou devenus tétraplégiques avec une simple petite pilule. L'émission Question à la Une sur la Une Télé se penche sur ces nouvelles drogues ce soir et sur leurs conséquences. Et c'est assez interpellant, hein, Simon Bourgeois. Pour commencer, c'est quoi une drogue de synthèse ? Alors, on connaît les drogues classiques, cocaïne, cannabis, LSD. Et bien, pour faire une nouvelle drogue de synthèse, les trafiquants reprennent les molécules classiques et les modifient, parfois un tout petit peu. Ils peuvent aussi prendre des molécules de médicaments tout à fait légaux et ils fabriquent comme ça plein de nouvelles drogues, des dérivés. Elles ressemblent aux drogues classiques, elles sont moins chères, hyper faciles à trouver sur Internet. Et puis, parfois, comme la molécule détournée n'est pas sur la liste des substances interdites, eh bien, elle est légale, une manière de contourner la loi. Le problème, c'est qu'on ne connaît absolument pas ses effets. Même les gens qui les fabriquent, en fait, ne connaissent pas leurs effets. Ce sont des chimistes en herbe qui font ça dans des ateliers clandestins et parfois ça dérape. Hein, ouais, il suffit d'une fois, un mauvais dosage au moment de la fabrication, un effet secondaire inconnu et c'est le drame. L'enquête de Question à la Une ce soir est réalisée par 4 étudiants en journalisme de l'IEX. Ils ont rencontré plusieurs victimes. Corentin, par exemple, il a pris ce qu'il pensait être de l'ecstasy en soirée et puis le trou noir. À vrai dire, je me souviens plus de grand-chose de quand j'ai pris de cette soirée-là, vu que je suis tombé dans le coma assez vite, vu qu'on a trouvé plusieurs merdes dans mon corps, dans des analyses. J'ai acheté chez un dealer que je connaissais, Bon, apparemment, c'est pas un bon dealer. Non, pas un bon dealer. Corentin s'est réveillé tétraplégique après une simple pilule. Et puis parfois, c'est la mort. Masséo, 17 ans, ne prend jamais de drogue, mais ce soir-là, il cède à la tentation. Il prend une demi-pilule. Lui aussi, il pense que c'est de l'ecstasy. Le lendemain, l'hôpital appelle ses parents. Sa mère se souvient des mots du médecin. Il nous a expliqué que Masséo était mort empoisonné, qu'il y avait une autopsie qui avait été faite, qu'il n'était pas mort drogué, mais empoisonné. Ils ont trouvé une liste des produits vraiment étonnants, en fait, ils ne comprenaient pas. Et le fait est avec son copain, ils ont acheté tous les deux un ecstasy, et ils ont partagé celui du copain, et du coup, il avait l'autre dans la poche. Et du coup, ça leur a permis, en fait, de faire le rapprochement entre les analyses qu'ils ont trouvées et l'ecstasy qu'il avait dans sa poche, et de voir qu'effectivement, c'était ce produit qui avait tué mon fils. Et le problème, hein, Simon, c'est que ces drogues sont vraiment, vraiment faciles à trouver. Oui, dans la rue, en boîte de nuit et surtout sur Internet. En trois clics, en partant de Google, on peut faire son marché. C'est la Poste qui livre. En général, ça vient de Chine. Et souvent, c'est légal grâce au flou juridique. Aucun problème à la douane. Le trafic explose, la consommation augmente chez nous. Les risques d'accident aussi. Les nouvelles drogues, passeport pour la mort, c'est l'enquête de Questions à la Une, c'est ce soir à 20h25 sur la Une télé. À l'étranger, toujours ce fameux ouragan Matthew qui menace à présent les États-Unis. Oui, c'est l'ouragan le plus puissant qu'on a connu sur les Caraïbes depuis 10 ans. Il a provoqué la mort de 9 personnes en Haïti, en République dominicaine et à Cuba. Il vient d'être rétrogradé d'un cran, catégorie 3. Ça n'a pas empêché les États-Unis de prendre des mesures. En Caroline du Sud, par exemple, 1 million de personnes ont évacué vers le centre des terres. Le prix Nobel de chimie attribué mercredi au Français Jean-Pierre Sauvage, au Britannique Fraser Stoddart et au Néerlandais Bernard Feringa. Ce sont les inventeurs de minuscules machines moléculaires, des machines miniatures qui vont pouvoir servir à créer de nouveaux matériaux, des capteurs et des systèmes de stockage d'énergie. Vendredi, on connaîtra le prix Nobel de la paix, puis lundi celui de l'économie et le prix Nobel de littérature, c'est pour le 13 octobre. On passe au sport et au foot et toujours pas de certitude pour deux joueurs vendredi contre la Bosnie. Raja Nainggolan et Thorgan Hazard sont toujours gênés par de petits bobos. Le premier est d'ailleurs toujours en Italie. Roberto Martinez annoncera sa décision ce soir. Thorgan Hazard, lui, souffre du genou. À l'entraînement ce matin, à Tubize, les Diables se sont servis d'un drone. Le sélectionneur Roberto Martinez détaille les avantages de cette nouvelle technologie pour l'entraînement. Ah, comme vous pouvez l'imaginer, le drone vous donne une vision tactique parfaite de la session d'entraînement. Je veux essayer de tirer avantage du peu de temps dont je dispose avec les joueurs. Les images peuvent nous apporter des infos qu'on peut utiliser dès lors sur et avec les joueurs eux-mêmes. Des infos qui nous auraient nécessité 3 ou 4 jours supplémentaires si on travaillait en club. Moi, j'aime utiliser le temps de contact avec les joueurs en l'optimisant au maximum. L'utilisation d'un drone est vraiment efficace car on peut choisir l'angle de prise de vue et du coup, ça rend les choses plus faciles pour travailler sur la tactique. L'équipe qui manie le drone travaille très très bien, ce sont des vrais professionnels. Et finalement, la seule chose dont on est dépendant, c'est les conditions météo. On m'a beaucoup parlé de la météo en Belgique, mais franchement, ces derniers jours, c'était parfait pour utiliser un drone. Roberto Martinez avec Thierry Luthers. Et puis, vu le nombre d'incertains, Youri Tielemans reste avec le groupe des Diables Rouges. Il n'ira donc pas au Monténégro avec les espoirs belges. En sport moteur, cette fois, le pilote Thierry Neuville signe pour 2 ans avec Hyundai. Le pilote poursuit, en fait, pour 2 ans avec l'équipe coréenne. Il était cité chez Citroën. Il reste finalement chez Hyundai. Et pour finir, on va faire un petit tour au marché, Manu. Des marchés qui perdent parfois un petit peu de leur saveur. Hein, c'est vrai, trop de vêtements, trop de chaussures, trop de Brol parfois avisé près de Liège, un des plus anciens marchés hebdomadaires de la région. Les maraîchers et la ville ont signé une charte de qualité. Les commerçants s'engagent à proposer des produits et un service de qualité. Alors ce genre de charte, ça existe déjà en France, mais en Belgique c'est une première et Martial Gillot est allé voir comment ça se passait. Bonjour madame. Dix épices à spaghettis, s'il vous plaît. Le grand paquet, madame. Oui. Voilà. Bonjour, je vois que vous arborez le label de qualité du marché. Ça signifie quoi en fait ce label? Donc on a signé une charte pour promouvoir la qualité sur les marchés. Donc on s'engage à proposer quelque chose de qualité à nos clients. En proposant du frais le plus possible et en proposant des nouveautés et en essayant vraiment de se mettre à la page. Donc nous, on a un site internet où on propose des recettes de cuisine, etc. pour les clients. On essaye tout le temps d'évoluer dans notre commerce. 4,78 euros, oui. 4 franges jambon. Les marchés de la région de Liège sont majoritairement remplis d'artisans, de petits commerçants. mais dans certains marchés, il y a trop de textiles, pas assez d'alimentaire. Et ici à Vizy, la tendance était à ça. On essaye de changer pour un peu plus valoriser les artisans et les petits commerçants locaux. C'est important pour ne plus donner une image de mauvaise qualité au marché. On identifie souvent les marchés comme un endroit où on peut brader certains prix, alors qu'il y a de très bons artisans, des gens qui travaillent des produits du terroir, qui favorisent, je vais dire, l'économie locale et durable. Et voici 1,20€ de retour, et je vous souhaite un agréable mercredi. Et voilà, un agréable mercredi au marché. En plus, il faisait beau, c'était le jour pour y aller au marché. Rien de tel qu'une bonne ambiance de marché. Et ils sont bons, mes melons, achetez mes melons. C'est plus trop la saison, quoique dimanche, on a encore eu de très bons. Oui, bah alors après, il y a d'autres fruits aussi. C'est quoi exactement le truc du moment? C'est quoi? Des figues, peut-être. Des figues, ah oui, c'est vrai, on est sur la fin de la saison de la figue. C'est bon, une bonne figue. Merci Manu, à tout à l'heure, 17h30. On part sur les routes tout de suite, c'est le RTBF Mobile Info. On retrouve David Godefroy, comment ça roule? Eh bien, des ralentissements à vous signaler dans ce chantier sur le 40 Aix-la-Chapelle Bruxelles, autour de Cherat. 15 minutes perdues vers la capitale, 15 minutes supplémentaires également dans le chantier sur le 19 Mons-Bruxelles, entre Arken et Famille Heureux, et des files vers Mons, et puis ça coince sur le ring de Bruxelles, sans surprise à 7h06. 20 minutes en plus en circulation extérieure Zaventem Grand Bigard, 15 minutes supplémentaires en circulation intérieure de Zaventem au Carrefour Léonard, maximum 10 minutes de retard sur les autres tronçons. Et puis dans Bruxelles, des ralentissements du tunnel Botanique au tunnel Arlois vers le midi, et dans l'autre sens, du tunnel Trono tunnel Léopold II vers la Basilique. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Qui livre vos vins préférés partout en Belgique? CoraWine.be. Oui. Un choix comme ça, c'est chez Cora. Ou sur CoraWine.be. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. De 17h à 19h sur Vivacité, 5 à 7 avec Cyril. Et avec vous, on va jouer pour démarrer cette émission. Voilà, j'ai envie de jouer. Vous trouvez pas qu'il a fait super beau aujourd'hui, Manu? Il a fait très beau, très clair. Et vous êtes joyeuse quand il fait comme ça ou pas? Moi, je préfère. Je me suis dit, on démarre l'émission, je suis heureux, on démarre avec un jeu, on va s'amuser ensemble dans un instant. Vous voulez jouer avec nous aussi? Dites-moi, qu'est-ce qu'on gagne? Il y aura des questions, il faudra donner les réponses. Et si vous donnez les bonnes réponses, je vous offre un coca à la fin. Les cadeaux, les vrais cadeaux, c'est pour les auditeurs. Mais vous restez alors, Manu? Je reste. Allez, on fait comme ça, à tout de suite, Manu. Dans cette émission, donc, on va jouer dans un instant, on va parler d'un record aussi. Alors, j'ai essayé de vous le dire juste avant le journal. Vous avez compris ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure ou pas? Parce que moi-même, j'ai pas compris. Pas bien. Donc, il y a un homme qui va jouer au tennis et qui va tenter de le faire le plus longtemps possible. Il y a un record qui est établi à 34 heures, je crois, si je dis pas de bêtises. Et il va tenter de faire plus. 34 heures de tennis non-stop, c'est déjà pas mal. Il va tenter de battre le record. On verra ça avec lui tout à l'heure. On s'intéressera aussi à l'image du jour, c'est Ophélie Fontana qui viendra nous voir avant 18h. Il y aura le cactus de Jérôme de Warzé et puis on parlera de sieste. Il y a souvent des études sur la sieste. On apprend aujourd'hui que faire la sieste, c'est très bien, c'est très bon pour la santé, mais attention, faut pas faire plus d'1 heure de sieste par jour, sinon après ça devient mauvais pour la santé. On verra ça tout à l'heure avec une spécialiste du sommeil. Hier, on vous en a beaucoup parlé, c'était la journée marathon des flashs sur la route. On a un chiffre à vous donner, 24 000 conducteurs verbalisés. On verra ce qui a été le plus verbalisé pendant cette journée marathon hier et à quel endroit. Tout ça et bien plus de choses encore, c'est le programme du 5 à 7 qui démarre maintenant. Allez, on y va. Jusqu'au 31 octobre, achetez une voiture d'occasion BMW Premium Selection et profitez d'une garantie prolongée jusqu'en 2020. Plus d'infos sur bmw.be. Vivacité présente. Dis Marco, tu comptes sérieusement acheter ces fraises au mois d'octobre? Ben oui. Mais juste là, t'as des pommes, des poires, des scoubidoubidou bien locales et de saison. Vous aussi devenez acteur de la Good Food à Bruxelles en quelques gestes simples. Rendez-vous sur www.goodfood.brussels. Bruxelles Environnement. Et pour toi, qui a le meilleur prix? Le meilleur prix? Avec le choix, la qualité et les conseils du spécialiste compris. C'est chez Big Mat, bien entendu. Alors, cette semaine, ne ratez pas leur folder de promo dans votre boîte aux lettres et sur bigmat.be. Big Mat, bien plus que des matériaux. Pour tout savoir sur les tendances de la mode pour cet hiver, rendez-vous chez Poincaré. Jusqu'au dimanche 9 octobre, c'est la semaine de la mode chez Poincaré. Profitez de moins 15% sur toute la collection. Info et horaires, poincaré.eu. Salut, c'est Romelu Lukaku sur Vivacité, la radio diablement complice. Écoutez ça, pour le 25e anniversaire d'Intermarché, il y a des produits 100% remboursés, des offres jusqu'à moins 50% et une super action épargne avec 25 produits gratuits. Oui, vous avez bien entendu, 25 produits gratuits, c'est exceptionnel. Intermarché, depuis 25 ans, tous unis contre la vie chère. Ouvert dimanche et jours fériés, horaire en magasin. Nouveau, Comia Casa Delicious. Réservez un moment rien que pour vous et savourez la lasagne royale, les raviolis du marais ou les farfales pancetta formaggio. Comia Casa. Apportez un peu de chaleur. Parce qu'une Jaguar est faite pour être admirée, Jaguar Drogen Boss fait tout pour garder votre voiture en pleine forme. Achetez une Jaguar de stock et recevez 3 ans de garantie et 3 ans de carrouage et d'entretien gratuit. Allez vite chez Jaguar Drogen Boss et choyez votre nouvelle Jaguar grâce à ce triple cadeau. Offre valable également chez Jaguar Brussels à Zaventem et Waterloo. Chez Thomas et Piron, jusqu'au 15 octobre, bénéficiez de conditions VIP à l'achat d'un appartement neuf. À Forêt, portes ouvertes dans notre appartement témoin, ce dimanche de 10 à 14 heures, avenue du Globe 7 à Forêt. Venez profiter de nos conditions VIP exceptionnelles. Plus d'infos sur thomas-piron.eu. En octobre, bon repos, comblez toutes vos envies. Alors, vous êtes plutôt du style lève-tôt, grasse mat, sieste, dans un lit bien douillet? Un canapé-lit ou un relax? Dans des draps soyeux sous une bonne couette? Le tout rangé dans un beau dressing? Profitez maintenant de 18% de remise au Bon Repos. 18% pour combler toutes vos envies et créer votre propre style. Aubonrepos.be, place de la Chapelle à Bruxelles, à deux pas du Sablon. Parking privé. Ouvert ce dimanche de 10h30 à 17h30. 17h, 19h. 5 à 7 sur Vivacité. Et vous savez ce qu'il y a après 19h tout à l'heure? Alors ici sur Vivacité, il y aura le Tip Top, la quotidienne avec Philippe Jauniaux. Mais à Anvers, il y a un événement ce soir. Il y a une star internationale qui est à Anvers, au Sport Palace. Il s'appelle Justin Bieber. Il chante ça, entre autres. Et alors, depuis des heures et des heures, il y a des fans qui sont devant le Sport Palace. On ira là-bas tout à l'heure prendre la température et voir pourquoi il y a des gens qui sont si tôt devant. Parce que ce matin, il y avait déjà la file, il y a des centaines de fans qui sont devant les portes qui sont fermées pour le moment. Donc on verra ça tout à l'heure dans l'émission. Si vous êtes fan de Justin Bieber, vous pouvez le dire aussi. Ou si vous êtes sur la route pour aller au concert. 3063 par SMS et sur la page Facebook 5 à 7 via cité RTBF. Bon, on va jouer tout de suite dans cette émission à 17h22. Il y a Guillaume qui est arrivé dans ce studio pour jouer. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Cyril. Vous avez trouvé plein d'infos, on va tenter de compléter. Insolite, ouais. Ça va être dingue. On va jouer avec Martial qui est là au téléphone. Bonsoir Martial. Bonsoir Cyril, bonsoir Guillaume. Bienvenue Martial, vous êtes de Boncelles, c'est tout près de Liège ça. Exactement. Et la journée a été bonne? Très bonne. Est-ce que vous aussi, le beau temps, le ciel bleu, même s'il fait un peu frais, ça vous a mis de bonne humeur? De toute façon, je suis toujours de bonne humeur. Eh bien, bienvenue dans la communauté des bisounours, Martial. Martial, Guillaume va donner des infos. Vous allez devoir les compléter. Et alors Manu va jouer aussi avec nous. Vous y êtes engagé. Manu, il y a deux secondes, elle fait une tête de rang, mais j'ai rien demandé. C'est comme ça. Fallait pas dire oui, Manu. Mince. Manu, si elle donne des bonnes réponses, elle repart avec un coca, je lui ai promis. Oui. Et puis vous, Martial, on verra dans notre stock de cadeaux ce qu'on a pour vous, d'accord? Allez, ça roule. Et tout ça n'est pas prévu. Donc j'imagine Monsieur Cadeau qui est dans sa voiture. Mais qu'est-ce qu'il fait encore, lui? Martial, on y va. Attention, première info. C'est parti. Est-ce que vous êtes prêt, Manu, Martial? Donc vous le savez, les bougies parfumées ont la cote pour le moment, que ce soit à la rose, à la violette, etc. Mais on en a découvert une avec une nouvelle senteur. Laquelle? Choix multiple. Le thon en boîte. Donc ouais. Du thon qui sort de ça sa boîte. Ça peut donner faim, cette odeur. Un Mac 9, donc un ordinateur de marque Mac 9 qui sort de sa boîte, ouais. Ou l'odeur de quelqu'un qui sort de boîte de nuit. C'est pas ce que je préfère. La transpiration, du coup. Manu, une idée? Le thon. Le thon. Le thon. Et vous, Martial, vous dites quoi? C'est la 2, moi, je crois. C'est la 2, l'odeur du Mac 9, ouais, l'ordinateur qui sort de sa boîte. Ouais, un équipementier 12 South qui a créé cet accessoire. Donc, il fait ce genre d'accessoire, d'habitude, des bougies odorantes. Et vous savez que c'est déjà en rupture de stock. Alors que c'est complètement inutile. Mais ça sent quoi, le Mac 9? Eh bien, vous le savez, si vous avez un iPhone ou un Mac, quand vous sortez ça de la boîte, il y a une petite odeur qui vous pince au nez. Vous vous dites, yes, j'ai dépensé 1500 boules, mais j'ai quelque chose magnifique. Vous avez déjà senti cette odeur, vous, Martial? Non, pas trop. Non, jamais. Par contre, si vous pouviez faire une bougie avec une odeur que vous adorez, ce serait quoi? Ah, c'est quelque chose qu'on ne saurait pas faire. C'est quoi? C'est l'odeur de l'humus du bois le matin après la rosée. Ah, on a un romantique qui est là. Ouais. Ouais. Donc, Martial, c'est l'odeur de l'humus du bois après la rosée. Si vous avez d'autres idées d'odeurs que vous voudriez faire en bougie, 3063 pour me le dire par SMS ou alors sur la page Facebook, bien sûr. facebook.com/vivacité 5 à 7 vivacité, c'est ça. slash.com Deuxième question. Alors, un avis de recherche un peu particulier a été lancé par un hôtel de Bruges qui souhaite retrouver le propriétaire de quelque chose d'un peu étrange. Est-ce que c'est un dentier, un sextoy ou une belle-mère? Manu, une idée? La belle-mère, sûrement. Pas l'ustensile, c'est la vraie belle-mère. C'est une bonne chose, vous voudriez vous débarrasser de votre belle-mère? Mais pas du tout. Ok, non, mais le message est passé. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Pilou. Pilou a été abandonné à l'hôtel. Pilou, vous êtes dans le cœur de Manu. Partez pas en vacances avec la personne, elle va vous abandonner. Martial, votre réponse? Je crois que c'est le sextoy. Le sextoy. Ah, Martial, comment vous êtes, petit coquin? Est-ce que c'est ça? Ben non, c'est pas le sextoy ni la belle-mère, c'est le dentier. Et c'est, c'est une auberge de jeunesse à Bruges, le Charlie Rocket City Hostel, donc a publié ça sur Facebook avec la photo. C'est peu ragoûtant de ce dentier qui a été oublié sur le comptoir. C'est dingue, ça. C'est sorti aujourd'hui? C'est sorti aujourd'hui, oui. C'est à Bruges? C'est à Bruges. Donc en fait, il a été oublié vendredi. D'accord. Ils l'ont retrouvé et ils se sont dit, ben, on va se mettre à la quête de celui qui l'a oublié, perdu pour le moment, je pense qu'ils n'ont pas de nouvelles. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est sorti de l'hôtel en disant « Bonjour, viens, oui, bonjour !» Oui, c'est ça. On va essayer d'appeler l'hôtel tout à l'heure pour voir si l'on trouve. Ça a été publié sur Facebook aujourd'hui, on verra tout à l'heure. Ça a été publié sur Facebook, donc on peut voir s'ils ont trouvé le propriétaire, le propriétaire. On va chercher le numéro, on va les appeler dans un instant. On y va pour la troisième question. Manu, pour le moment, le coca s'est raté. Et par contre, ça sent bon les cadeaux pour vous. Vous avez déjà une bonne réponse, Martial. On y va, dernière question. Il faut réussir celle-là. Une personnalité très aimée des ados a maintenant son double en cire au musée Grévin. Mais c'est qui? Soit Justin Bieber, vous l'avez dit, il sera en concert ici ce soir au Sport Palais. C'est un petit passage par Paris pour inaugurer ça. Ouais. France Gall, qui chantait Poupée de cire, poupée de son, évidemment. Et Kev Adams, l'acteur humoriste qui est bien en vogue pour le moment. Manu. Bon, ça doit être Kev Adams. Ouais, c'est Kev Adams. Ah, vous avez le flair, tous les deux. Ouais. Là, ils l'ont eu. Ouais. C'est ça, Kev Adams. Ouais, c'est Kev Adams. Il y a déjà longtemps, Justin, non? Justin, il est déjà là-bas. Il est chez Madame Tussaud. Mais est-ce qu'il est à Grévin? Je pense pas qu'il se passe qu'en regardant, en préparant les questions, je pense avoir vu. Non, il n'est pas en Grévin. Non, non. Ah, on a un spécialiste du Grévin. Attention, Manu se fait tacler là. Martial, votre nom de famille, c'est Martial Grévin, c'est ça? C'est vous? C'est vous ça, êtes. Bah oui, bah forcément, c'est vous mon le savez. Papa qui tient le musée. Ah, voilà. Bon, mais Martial, c'est gagné. Je vous repasse le standard. On voit ce qu'on a à vous offrir. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt, Martial. Bonne soirée, Martial. Bonne soirée. Et Manu, vous avez marqué qu'une bonne réponse. Ça mérite pas le coca. Hein. Mais j'aime pas de toute façon. Ah bah alors, je garde mes 60 centimes. Merci Guillaume. Avec plaisir. Il est 17h27 dans un instant pour la suite de l'émission. On va parler de sport et un record. Jouer au tennis le plus longtemps possible. On verra qui va tenter de faire ça et pourquoi. C'est pour la bonne cause, ce sera juste après la pause. Bienvenue au Godillo, la référence toute marque en chaussures pour toute la famille et le plus grand choix en pointure femme du 35 au 42. Route de Genneval 31 à Lannes, vaste parking. Godillo, service et qualité en un mot. Ouvert ce dimanche de 14h à 18h. Samedi 8 octobre, Abraham de Bettencourt, conférencier présente « Vivez vos rêves ». Comment intégrer les principes de réussite? Quels sont les outils pour atteindre vos objectifs? Comment vivre vos rêves et libérer votre potentiel pour enfin oser? Rendez-vous ce samedi 8 octobre à 20h au Centre culturel Ducle. Info sur ccu.be. Chez Thomas et Piron, jusqu'au 15 octobre, bénéficiez de conditions VIP à l'achat d'un appartement neuf. À Otigny, portes ouvertes ces samedis et dimanches de 14 à 17h, dans notre appartement témoin, rue de la Chapelle, à Otigny. Venez profiter de nos conditions VIP exceptionnelles. Plus d'infos sur thomas-piron.eu. Votre jardinerie pépinière Le Longfond. Pépinière Le Longfond. C'est 750 mètres carrés couverts pour vos plantes, décorations, meubles de jardin et produits du terroir. C'est vendredi, samedi et dimanche. Profitez de nos actions portes ouvertes. Le Longfond, chaussée de Bruxelles, à 500 mètres du château de la Hulpe. Pépinière Le Longfond. Guten Tag, bonjour. Alors, pour l'Octoberfest, j'ai les new cars. Je vous propose 99 sublimes top modèles. 99 fantastiques Mercedes d'occasion récente en solde, prêtes à défiler pour vous, avec les horaires et sans trébucher. Ya, c'est possible, ya. Colossal solde pour l'Octoberfest. C'est 7, 8 et 9 octobre au Megastore near les new cars de Woluwe et d'Anderlecht. Ouverture le vendredi 7 jusqu'à 22h et le dimanche 9 jusqu'à 17h. Near les new cars. By Mercedes-Benz. Plus d'infos sur nnc.be/solde. Hello, Hip pour vous servir. Découvrez des promotions jamais vues grâce aux offres de génie dans tous les rayons de votre hypermarché Carrefour. Avec en ce moment, le jambon cru italien Montorsi à seulement bam, 9 euros le kilo. Faites vite, cette promo de génie est uniquement valable jusqu'à demain. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Votre attention, s'il vous plaît. Voici un avis important pour tous les amis. Avez-vous un ami ou une amie qui a besoin d'un espace supplémentaire? Un endroit reposant ou un petit air d'été tout au long de l'année? Donnez à vos amis le tuyau en or, celui de demander conseil au Véranda Willems. Et vous aurez peut-être la chance de gagner un safari plein d'aventures. Ou une croisière exclusive. Découvrez notre action grandiose et participez via toutlemondewillems.be. Willems, maître constructeur en Véranda. Vivacité présente, le week-end de Maison et Architecte, un événement d'une brique dans le ventre. Besoin d'inspiration pour construire ou rénover? Visitez gratuitement des maisons conçues par des architectes wallons et bruxellois et découvrez leurs talents ces 8 et 9 octobre. Préparez vos visites sur le site maisonetarchitecte.be. Avec le soutien de l'Ordre des architectes et d'AXA Bank. Il est 17h30, voici les titres de l'actualité avec Manu Delporte. Avec dans l'actu ce soir de nouveau des gros soucis sur le rail. Une alerte à la bombe a paralysé la gare du Nord en début d'après-midi. La gare du Midi a aussi été partiellement évacuée. Fausse alerte, mais remettre en route ce nœud ferroviaire où passent 1800 trains chaque jour n'est pas une sinécure. Les navetteurs devront donc prendre leur mal en patience ce soir. Ce midi aussi, l'agression de deux policiers à Schaerbeek par un ancien militaire de 43 ans. Il a blessé un premier policier au ventre, un autre au cou. Heureusement, les jours des deux agents ne sont pas en danger. L'homme a finalement été arrêté par une deuxième patrouille. Il a été blessé à la jambe pendant l'opération. Il est actuellement entendu par un juge d'instruction fédérale chargé des dossiers terrorisme. Dans l'actu aussi, il y a l'avocat de Bernard Westphal, Jean-Philippe Mayence, qui tente de convaincre les jurés des Assises de Mons depuis ce matin, de les convaincre que son client n'a pas tué Véronique Pirotton le 31 octobre 2013. Trop de doutes dans l'enquête, dit l'avocat, des doutes qui doivent profiter à l'accusé. Et puis, dans le journal des sports, on reviendra sur l'entraînement des Diables ce matin à Tubize, entraînement filmé par un drone, ce qui donne une bonne vue d'ensemble pour aider Roberto Martinez, l'entraîneur. Il faut faire attention qu'il ne se décharge pas et qu'il ne tombe pas d'un coup. Ah, bam, ce serait dommage joueur. Pour les petits bobos déjà de deux ou trois joueurs. Ah ben bah oui, ils ont tendance à vite être blessés. Merci Manu. Prochain point sur l'actu, donc à 18h, on part dans le ciel tout de suite, c'est la météo. Alors qu'est-ce que ça dit? Eh bien que cette nuit, il y aura encore un ciel bien étoilé. Les minima descendront entre 2 et 5 degrés. Demain, encore un soleil généreux le matin et puis l'après-midi, on surveillera des nuages bas. Ils nous viendront tout droit d'Allemagne et ils pourraient assombrir progressivement le ciel d'ouest, d'est en ouest. Les maxima assez semblables à aujourd'hui et puis pour vendredi, des nuages plus nombreux et l'on n'exclut pas localement en Ardennes quelques faibles bruines des températures entre 11 et 15 degrés pour les maxima. Sur les routes, quelles sont les nouvelles? On va le savoir, c'est le RTBF Mobile Info avec David Godefroy. Et toujours des fils sur le 40 Aix-la-Chapelle Bruxelles dans le chantier de Chorat, 15 minutes perdues vers Bruxelles. Un accident nous est signalé sur la Nationale 4 Arlon-Namur autour de Natois. La bande de gauche est neutralisée. Il y a des fils en formation en direction de Namur. 15 minutes perdues dans le chantier sur le 19 Mons-Bruxelles, chantier entre Arken et Famille-Heureux vers Mons. Accident sur le ring de la capitale, circulation intérieure à hauteur de Grunendal. La bande de gauche est neutralisée vers Waterloo. Et coup d'œil sur les temps de parcours sur ce ring de Bruxelles. Le tronçon le plus ralenti, circulation extérieure, Zaventem Grand Bigard. Ajoutez une vingtaine de minutes à votre trajet, 15 minutes en plus en circulation intérieure de Grand Bigard à Zaventem, 15 minutes aussi en circulation intérieure de Zaventem au Carrefour Léonard, maximum 10 minutes supplémentaires sur les autres tronçons. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Jusqu'à 19h. 5 à 7. Dans un instant dans l'émission, je passerai un coup de téléphone à Maxime Brackmann. Et Maxime Brackmann, il va faire quoi? Eh bien, il va tenter le record du monde de tennis, jouer le plus longtemps possible. Et il compte faire 37 matchs en tennis en simple consécutif. Alors pourquoi et d'où lui vient cette idée? On verra ça tout à l'heure dans le 5 à 7. L'image du jour avec Ophélie Fontana, on parlera de sieste aussi. Une étude nous dit aujourd'hui que dormir, faire une petite sieste d'une heure par jour, c'est bon pour la santé. Mais attention, pas plus, sinon ça devient mauvais. On verra ça avec une spécialiste dans quelques minutes. On partira aux États-Unis tout à l'heure. Vous savez que la course à la Maison Blanche a commencé tous les soirs dans le 5 à 7, juste après les titres de 18h30. On se connecte avec les États-Unis pour voir comment la population vit ces quelques semaines avant l'élection présidentielle des États-Unis. Rendez-vous tout à l'heure dans l'émission. Et puis il y a un instant, Guillaume nous parlait d'un hôtel à Bruges, un hôtel qui a retrouvé un objet plutôt insolite, qui a lancé un avis de recherche sur Facebook. Il y a un dentier qui a été retrouvé, on cherche le propriétaire, le ou la propriétaire. J'ai promis qu'on appelait l'hôtel. On va voir s'ils ont des nouvelles du propriétaire de ce dentier. Je me demande quand même dans quel état est la personne maintenant qui n'a plus son dentier. Comment la personne... Oui, bonsoir, c'est l'hôtel à Bruges qui a perdu un, qui a retrouvé un dentier. Oui, bonjour. Bonjour, c'est la Radio Vivacité, vous allez bien? Oui, on va très très bien. C'est quoi votre prénom? C'est Nancy. Nancy, bienvenue, donc vous êtes en direct à la radio, Nancy. Nancy, oui. Est-ce que vous avez retrouvé le propriétaire de ce dentier? Oui, on l'a trouvé. Là, par Facebook, il a retrouvé la photo avec ses dents. Génial. Et hier soir, il est revenu pour les chercher. Ah, excellent. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça doit... ouais. Et il parlait bizarrement, alors, parce qu'il n'avait pas son dentier, forcément. Ah bah, on n'a pas osé de rigoler avec. Hein. J'imagine. Ça doit être bizarre. Eh ben, c'est... bonne nouvelle pour le propriétaire. On est content d'avoir cette nouvelle. Je vous souhaite okay. Une bonne soirée, Nancy. Bonne soirée. À bientôt. Ah ben voilà, un homme heureux qui va pouvoir remanger tranquillement ce soir. Ça devait être plus compliqué sans son dentier. Il est 17h35 sur cette bonne nouvelle. Une petite pause, on vient après. Où est la plus grande foire au vin de Belgique? Chez Cora! Je vois que tout le monde est d'accord avec moi. La foire au vin, c'est chez Cora. Ou sur corawine.be. Et pour toi, qui a le meilleur prix? Le meilleur prix? Avec le choix, la qualité et les conseils du spécialiste compris. C'est chez Big Mat, bien entendu. Alors, cette semaine, ne ratez pas leur folder de promo dans votre boîte aux lettres et sur bigmat.be. Big Mat, bien plus que des matériaux. Mon collègue Patrick m'a invité chez lui il n'y a pas longtemps. Et c'est parti, salut! C'était vraiment bizarre. Je te sers un petit apéritif. Magnifique! D'ailleurs, tout le monde trouve ça bizarre. Et les enfants, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va! Allez, c'est vrai quoi, ne pas chauffer sa maison au gaz, c'est quand même bizarre. Ok, sa rue n'est pas connectée au réseau de distribution, mais alors t'appelles Primagaz, comme tout le monde. Profitez-vous aussi du meilleur du gaz. Devenez client. Surfez sur primagaz.be pour un avantage de 200€ et l'installation gratuite de votre citerne. Primagaz, le meilleur du gaz, là où vous le voulez. La DH présente en exclusivité la collection La Passion du Rallye. Collectionnez de magnifiques reproductions exclusives de voitures de rallye. Des plus récentes aux modèles de légende, à l'échelle 1/43e. Le numéro 1, la Volkswagen Polo, championne du monde 2014 et son fascicule, actuellement en vente en librairie pour 2,99€ seulement. Une exclusivité DH. Avis aux gourmets, jusqu'au 16 octobre, ce sont les 10 jours shopping chez Picard. C'est donc le bon moment pour faire le plein de produits à moins 30%, comme le tartare de Saint-Jacques, le foie gras ou encore la tarte aux framboises. Retrouvez toutes nos adresses sur picard.be. Picard, chaque jour un goût nouveau. Un budget? Un projet? Visitez notre showroom. Condition 30e anniversaire? Jusqu'à 5 000€ d'avantage. Véranda Confort. Ma solution. Info verandaconfort.be. L'univers du sommeil vous présente ses méga deals. 50% de réduction en octobre pour votre partenaire sur un lit double chez Hopping, Latoflex ou Wetsleep. Univers du sommeil, votre conseiller du sommeil à Bruxelles, Linkebeek et Ternat. Conditions sur universdusommeil.be. Psst, l'univers du sommeil vous offre également la TVA sur la plupart de ses produits. 17h-19h 5 à 7 sur Vivacité. Demain, votre réveil va sonner, puis comme tous les jours, vous écouterez le 8-9 de Benjamin Maréchal. Il recevra demain Jean-Luc Reichmann. Vous savez que Jean-Luc, c'est le parrain de Cap 48. Alors, une fois de plus, on sait qu'on peut compter sur votre générosité. Vous êtes nombreux à acheter les post-it Cap 48 en ce moment. Continuez à le faire. Si jamais vous voyez les bénévoles qui sont à la sortie d'un magasin, qui sont sur le bord de la route, ouvrez les fenêtres de vos vitres et donnez ces 10€ pour acheter les post-it Cap 48, parce que franchement, il y a énormément d'associations qui, après, ont besoin de cet argent qui sera redistribué. Grâce à vos dons, soirée de clôture dimanche soir d'ailleurs, à suivre en direct sur les médias de la RTBF. Il est 17h38. 5 à 7. Et on va parler de sport là tout de suite dans le 5 à 7 avant de s'intéresser à une étude qui concerne la sieste du sport et pas n'importe comment. Maxime Brackmann est avec moi au téléphone. Bonsoir Maxime. Oui, bonsoir. Bienvenue, merci d'être ce soir dans le 5 à 7. Maxime, vous êtes lancé un pari fou, c'est de battre le record du monde du tennis, donc faire un maximum de matchs d'affilée. L'idée c'est d'en faire combien ? Oui, c'est ça, c'est un peu fou comme vous dites. L'idée c'est de faire 38 matchs. Wow. De suite. Ouais. Dans quel but vous allez tenter de battre ce record ? Parce que 38 matchs, ça en fait des heures de tennis. Oui, ça en fait des heures. Je pense qu'il faut compter quand même une heure par match. Donc, ouais, donc ça 38 fait, heures. Ouais, 38 heures, donc presque deux jours complets. Et le but, c'est en fait de rassembler de l'argent pour une bonne cause. Pour SOS Village d'enfants. D'accord. Et on va essayer de rassembler 25 000 euros pour construire un terrain de sport pour les enfants en Bulgarie. Alors comment on peut faire pour vous aider ? On va revenir sur le défi sportif dans un instant. Mais concrètement, ouais. Pour récolter les 25 000 euros, comment on peut vous aider ? Ben, y a une page, sur le site de l'European Tennis Tour, donc le tournoi qui aura bientôt rendez-vous à Anvers. Il y aura une page qui est cité sur mon nom où on trouve le SOS Village d'enfants aussi. D'accord. Et là on trouve toutes les infos alors pour pouvoir vous aider, faire un petit don. Exactement. Ou un gros don, avec plaisir. Il ne faut pas hésiter. Alors, il y a un record qui existe déjà, c'est 36 matchs en 34 heures. C'est Mike Mitchell qui a le record, il est britannique. Vous êtes préparé comment pour le battre ? Premièrement, oui, physiquement, il faut se préparer quand même un petit peu. Donc, je me suis préparé physiquement déjà. Et puis, j'ai fait attention à ce que je mangeais et ce que je buvais les deux derniers mois. Donc, j'ai quand même fait un effort là-dessus. Mais 38 heures de tennis non-stop, on s'écroule après. Comment vous allez tenir ? Je ne sais pas parce que je ne l'ai jamais fait. Donc, je ne sais pas comment je vais me sentir avant, pendant et après. Mais je joue quand même beaucoup d'heures de tennis par jour. Donc, je suis quand même assez préparé pour jouer plusieurs heures d'affilée. Est-ce que vous avez une astuce pour les mains ? Parce que ça peut faire des cloches aux mains, les raquettes. Oui, c'est vrai. Des grips, je vais mettre beaucoup de nouveaux grips. Ouais. Donc, je vais essayer de bien me préparer pour ça. Et puis, j'ai de la chance, j'aurai une kiné qui sera là pour moi. Ah, ça, c'est bien. Donc, ça, c'est bien, exactement. Dès que vous en avez besoin, hop, petit massage de la main. Vous arrivez à battre ce record donc de 36 matchs l'année dernière en 34 heures, est-ce que vous serez au Guinness Book des records ? Oui, donc il y aura un juge aussi qui sera là pour vérifier si je fais bien mon boulot et que ce soit selon les règles du Guinness. Donc oui. Ah bah ça c'est sympa. On espère vous voir. On vous souhaite plein de succès. On espère vous voir dans le Guinness Book l'année prochaine. Et si on veut venir vous voir en vrai, il y a un terrain spécial qui va être placé au cœur d'Anvers, hein, c'est ça ? C'est ça, sur la plaine Astrid. Près de la gare centrale, il y aurait un terrain spécialement, pas que pour moi, mais aussi pour la semaine d'après, où il y aura un gros tournoi, donc comme j'ai dit, l'European Tour à Anvers, qui aura lieu une semaine après mon challenge. Eh ben, on vous souhaite plein de bonnes choses pour ce challenge, et vous nous tenez au courant sur Viva, on se reparle après, d'accord ? Avec plaisir. Bonne soirée et bon courage Maxime. À bientôt. Merci. Au revoir. 5 à 7. Bon après 38 heures de tennis, on fait une petite sieste après ça. Une petite sieste, je dis bien petite sieste, parce qu'on apprend aujourd'hui dans une étude que la sieste, c'est bon pour la santé, mais attention, pas plus d'une heure, sinon ça devient moins bon. On va en parler avec le docteur Benny Mwenge, qui est spécialiste du sommeil à l'hôpital Saint-Luc de Bruxelles. Bonsoir docteur. Bonsoir. Donc une heure, c'est vrai ? Une heure de sieste, pas plus, sinon après c'est pas bon ? Oui, plus qu'une heure de sieste, ça pourrait être délétère, ça pourrait être mauvais pour l'organisme, parce qu'alors vous consommez un petit peu le sommeil de nuit, et donc le type de sommeil. Voilà. Et donc à ce moment-là, si on dort trop la journée, on dort moins bien la nuit, et donc on perd les bénéfices le lendemain, c'est ça ? Oui, exactement. C'est surtout valable pour les personnes qui sont en dette de sommeil. Faites une demi-heure de sieste en journée si vous avez, si vous manquez de sommeil parce que vous vous levez très tôt. Mais vous pouvez dérégler votre, votre organisme et votre cycle de sommeil si vous faites des siestes trop longues en journée. D'accord. Et alors, moi j'avais déjà entendu que les siestes de 15-20 minutes maximum, c'était l'idéal. Là, on nous parle d'une heure. Est-ce que c'est une heure non-stop ou bien c'est plusieurs fois coupé sur la journée ? Ah oui, non, plusieurs fois coupé sur la journée, c'est encore pire. Ah. Je pense que l'idéal, c'est de faire la petite sieste plus ou moins après le repas, la, la sieste de 14h de l'après-midi, ouais, au moment où la pression de sommeil est la plus forte, naturellement, hein, que l'on mange ou qu'on ne mange pas, la pression de sommeil est la plus forte, il faut la faire à ce moment-là. Mais alors après, dans la journée, vous allez dérégler votre sommeil de nuit. Donc c'est quoi l'idéal ? Donc après le repas, on s'arrête une heure, pas plus. Mais si on fait moins, c'est bien aussi ou pas ? Oui, si on fait moins, c'est mieux. Ok, donc une heure, les personnes qui sont capables de faire une heure de sieste, c'est des personnes qui sont vraiment en dette de sommeil. Vous ouvrez à 5h du matin, vous travaillez loin, ou des feignasses, de votre lieu de travail. Pardon ? Ou des feignasses. Ça, ça peut arriver. Oui, mais je pense qu'à l'heure, ce n'est pas vraiment du sommeil. Okay. Si vous réussissez à dormir une heure, c'est que vous êtes en dette de sommeil. Vous pouvez rester dans votre lit pendant une heure, mais pas spécialement dormir. Et donc, quand on parle de fainéantise, c'est là, c'est rester sans rien faire, mais c'est pas, ça ne correspond pas réellement à du sommeil. Si vous n'avez pas besoin de sommeil, vous endormir une heure, ce ne sera pas possible. Est-ce qu'il y a une astuce particulière pour justement rendre la sieste efficace, si jamais on a l'occasion de la faire ? Parce que justement, il y a cette période où on ne s'endort pas vraiment, et donc on peut avoir l'impression, si on fait une sieste, d'avoir réellement dormi que deux minutes, parce que tout de suite, bah, le réveil se met à sonner parce qu'il faut repartir. Il y a un truc pour vraiment bien couper tout de suite ? Je pense que surtout le moment où on fait la sieste, qui est un peu capital, il existe une période entre 17 et 20 heures qui est une période réfractaire. Si vous voulez par exemple faire votre sieste en revenant du travail, vous allez avoir beaucoup plus de mal à vous endormir entre 18 et 20 heures. Le temps, le moment choisi est important. Donc l'idéal, c'est faire des courtes siestes à des moments opportuns, qui sont les moments de dette de sommeil sur l'heure de midi. Et puis, bah, comme tout le monde, vous pouvez mettre un réveil pour interrompre votre sieste si vous avez tendance à dormir trop longtemps. Eh ben, merci pour à les astuces. À condition que la nuit, vous ayez suffisamment d'heures de sommeil, évidemment. Très important. On rappelle que, ça vous nous l'avez déjà dit plusieurs fois dans l'émission, il faut bien dormir, sinon ça ne va pas. Sinon, on ne fonctionne plus bien. Non, voilà. Eh ben, merci docteur Benny Mwenge d'être passé ce soir dans le 5 à 7. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous en prie. Et donc, une bonne nuit après. Dormez bien cette nuit, hein, docteur. Ah bah, pareillement. C'est important. Merci. Il est 17h46. Dans un instant, c'est Ophélie Fontana qui nous rejoint. Ce sera l'image du jour dans le 5 et 7 sur Vivacité. On écoutera le cactus de ce matin aussi. Jérôme de Warzé, vous l'avez peut-être raté parce que vous dormiez plus que prévu ce matin. Séance de rattrapage dans quelques minutes. On s'intéressera aussi au marathon des flashs. La police fédérale hier a mis des radars un petit peu partout en Belgique. 24 000 conducteurs verbalisés. On y revient après le journal de 18h. Electro Dépôt. Électroménager, TV, audio, multimédia, le moins cher toute l'année. Le choix des marques, du stock et l'assurance de produits de qualité garantie 2 ans minimum. Electro Dépôt. Habituez-vous à acheter moins cher. Mais comment font-ils ? C'est simple. Nous commandons en grande quantité pour obtenir les meilleurs prix. Découvrez comment vous profitez des économies que nous faisons sur electrodepot.be et à Anderlecht, proche Shopping Cora, Métro et Dimerx. Electro Dépôt. Les DS Brussels Fashion Days, le rendez-vous mode de l'année. Du 14 au 16 octobre, la mode belge vous invite au Square Brussels Meeting Centre pour 4 grands défilés, un pop-up de 30 créateurs, la présence des 10 écoles belges, des beauty bars et une after party par les soirées Love. Prévente ticketmaster.be avec DS Automobile, la Loterie Nationale et Viva Bruxelles. Hein? Quelque chose que j'ai pas compris ? Pourquoi il rigole ? Lui aussi doit rouler en Skoda. On est toujours plus détendu que les autres. On se sent beaucoup plus détendu quand on roule en Skoda. Skoda offre 2 ans d'entretien et de réparation gratuit à la signature d'un contrat WeCare de 3 ans. Profitez aussi d'une Skoda Octavia Break à partir de 15 495 euros, prime de recyclage déjà déduite. Pour des offres complètement détendues, ne cherchez pas, c'est chez Skoda. Offre soumise à condition, plus d'infos sur skoda.be. 3, allez Patrick, 2, pas trop tôt, hein. 1 et go ! N'attendez plus que la nuit tombe. Profitez du tarif de nuit aussi pendant la journée. Devenez client chez Essent.be et recevez jusqu'à 3 ans le prix de l'énergie de votre facture d'électricité au tarif de nuit. Infos et conditions, Essent.be. Cuisine Xina. Qu'est-ce qu'écoute un conseiller Xina ? De la musique qui fait rêver ? Non, il vous écoute parler de votre rêve et de votre budget. Cet automne, Xina vous propose des cuisines 5 étoiles et leur promo 5 étoiles. Ne les manquez pas. Conditions sur... Xina. Xina.be, c'est bien pensé. Jusqu'à 19h, 5 à 7 avec Cyril. Et avec Ophélie Fontana aussi tous les soirs. Bonsoir Ophélie. Bonsoir. Je voudrais commencer par vous applaudir Ophélie. Pas de bruit de micro. Hein. Rien du tout, vous êtes rentrée discrètement aujourd'hui. Ouais. Voilà, comme quoi tout est possible. Elle peut le faire. Ouais. Ophélie, l'image du jour concerne le procès Westphal. Bien oui, exactement. L'image que j'ai choisi de mettre en avant aujourd'hui, c'est celle du jury de la cour d'assises du Hainaut. 12 femmes et hommes qui ont une lourde responsabilité sur les épaules. Ils vont tout simplement décider de l'avenir d'un homme imaginé. Et pourtant, ils n'ont finalement qu'une seule question à laquelle ils devront répondre. Elle est simple. Bernard Westphal est-il coupable ou non d'avoir volontairement et avec intention donné la mort sur la personne de Véronique Pirotton? Donc voilà une question, mais à quel point elle est importante, ça vous pouvez le mesurer. Donc ils vont délibérer de cette question ensemble. Ça, ce sera pour demain. Ils ont 3 semaines d'audience aussi derrière eux. Donc c'est quelque chose d'assez éprouvant, un procès d'assises pour un jury. Donc rappelons-le, ce sont des citoyens comme vous et moi qui ont été tirés au sort parmi la population et qui vont donc décider de l'avenir d'un homme. Pour rappeler rapidement ce qui s'est passé aujourd'hui, donc l'avocat général a plaidé. Puis il y a eu l'avocat des victimes, donc des parties civiles. Et puis en tout dernier lieu, ici d'ailleurs, c'est encore en cours en ce moment même, c'est les avocats de la défense. Le but vraiment, c'est que le jury ait tous les éléments en leur possession pour pouvoir trancher et donc donner une réponse à cette fameuse question. Et donc comment ça va se passer là, dans les prochaines heures pour répondre à cette question en pratique? Mais donc alors ici, donc, il y a les plaidoiries des avocats de la défense qui se terminent, c'est encore en cours. Mais vraiment, les avocats de la défense ont décidé de prendre leur temps pour vraiment essayer de convaincre le jury de changer d'avis peut-être ou d'enfin trancher et de dire si oui ou non Bernard Westphal est coupable. Donc dès demain, quand ils arriveront, ils vont automatiquement se retirer. Ils vont donc aller seuls à 12 dans une pièce. Ils vont d'abord débattre entre eux pour essayer de se mettre d'accord, refaire le point sur tous les éléments qu'ils ont en leur possession. Et puis à cette fameuse question, puisqu'il y a des procès où il y a plusieurs questions ici, a priori il n'y en aura bien qu'une, celle que je vous ai citée tout à l'heure. Ouais. Et donc ils vont répondre chacun à cette question par bulletin secret. Et ça peut prendre combien de temps? Mais ça dépend. Plusieurs heures ou plusieurs jours. Ici, j'ai envie de dire, il n'y a qu'une question, donc je ne pense pas que ça prendra plusieurs jours, plusieurs heures certainement, parce que ça a vraiment été une affaire très, très complexe, avec énormément de zones d'ombre encore, des approximations policières, judiciaires aussi. Donc honnêtement, j'aimerais pas vraiment être à la place de ces gens qui ont une lourde... Ils doivent tous être d'accord. Mais non, ça, pas forcément. Le but, c'est d'avoir une majorité. S'il y a une majorité, elle sera favorable à l'accusé. Donc si par exemple, il y a 8 personnes qui disent non, Bernard Westphal n'est pas coupable, eh bien voilà, il sera acquitté. Donc la majorité l'emportera. Dans le cas contraire, eh bien là, l'accusé sera déclaré coupable. S'il y a il est coupable, forcément il sera coupable. S'il y a oui, non, il ne sera pas coupable. Alors s'il y a une égalité parfaite, parce que ça c'est possible, ils sont 12, s'il y a 6 contre 6, eh bien en cas d'égalité, ça, elle sera toujours favorable à l'accusé. D'accord. Et une fois que tout le monde s'est mis d'accord, une fois qu'on connaît la réponse à la question, c'est la fin, c'est terminé après? Ah bien là, ça dépend. S'il est acquitté, donc le jury a décidé qu'il n'était pas coupable, et bien là, les débats seront clos, le procès sera terminé. Si par contre, il est déclaré coupable, et bien là, il y aura un nouveau débat, cette fois sur la peine. Il faut savoir combien d'années Bernard Westphal passera en prison. Et donc pour ça, le jury va à nouveau se retirer et délibérer, mais cette fois, ils ne seront plus seuls, ils ne seront plus à 12 dans une pièce. Ils seront accompagnés de la cour pour en débattre, parce que c'est beaucoup plus technique, bien sûr, de décider si en fonction de la qualification de meurtre, d'assassinat, homicide volontaire, involontaire, il y a des peines, il y a des dispositions qui sont prises par la justice et donc ça dépendra forcément de la réponse à la question et la cour va donc aider en quelque sorte, encadrer le jury pour décider de la peine. Mais avant cela, l'avocat général va de nouveau prendre la parole pour lui dire « moi j'estime que Bernard Westphal devrait écoper d'une peine de ». Puis les avocats des parties civiles vont de nouveau répondre à l'avocat général, les avocats de la défense. Donc s'il est déclaré coupable, bien ça pourra encore prendre pas mal de temps, ça c'est sûr. Mais vous voyez bien, c'est pour mesurer toute la responsabilité qui pèse réellement sur les épaules de ces 12 citoyens. C'est pour ça que j'avais envie de les mettre d'une certaine manière en avant aujourd'hui. Eh ben merci Ophélie, parce qu'en plus on a bien tout compris. C'est gentil. Petite leçon de droit au passage. Ben oui, non mais c'est sympa, de temps en temps, ça fait plaisir. Mais voilà, ça permet de comprendre et puis on est tous, peut-être pas nous en tant que journalistes, c'est particulier, mais en tout cas tous les citoyens, tous les auditeurs de Vivacité, sont amenés d'être tirés au sort. Quelle chance. Et les gens qui sortent de procès d'assises disent que c'est vraiment très marquant et c'est pas facile du tout. Ça doit être perturbant, effectivement. Merci Ophélie, partez pas tout de suite. Ophélie, non. Blind test. 5 à 7.

et ensoleillé, Picard. Les surgelés Picard, chaque jour un goût nouveau. Picard.be. Ah ben à propos de surgelés, attention parce que les nuits deviennent de plus en plus fraîches. Cette nuit, il y aura encore un ciel bien étoilé, ça c'est joli, mais par contre les minima vont descendre entre 2 et 5 degrés. On n'est pas loin de devoir gratter le pare-brise le matin. Demain, encore un soleil généreux le matin, puis l'après-midi on surveillera des nuages bas. Ils nous viendront tout droit d'Allemagne et ils pourraient assombrir progressivement le ciel d'est en ouest et les maxima seront assez semblables aux températures d'aujourd'hui. Il est 17h59, dans un instant dans 5 à 7, on va parler du marathon d'hier et il n'est pas question de sport. Marathon flash de la police fédérale, 24 000 conducteurs verbalisés. Quelle était la plus grosse infraction? Qu'est-ce que vous avez fait hier comme bêtise sur la route? On verra ça juste après le journal de 18h. On ira aux États-Unis aussi. Vous savez, depuis quelques jours, on a démarré la course à la Maison Blanche. Citroën, bonjour. Oui, j'ai besoin tout de suite d'une camionnette fiable et modulable. Ah, pas de problème. Parce que j'ai un client qui attend et la mienne m'a lâché. Ah oui, oui. Oui, je suis menuisier. Si vous m'en trouvez une disponible, je vous offre 20 mètres carrés de parquet. Monsieur. Et je viens le poser gratuitement, hein. Pas besoin d'en faire autant. En octobre, pendant les jours pro, Citroën propose une gamme de véhicules utilitaires disponibles immédiatement. Et avec l'offre Option Plus, vous recevez 50% sur les options. Plus d'infos sur business.citroën.be. Citroën. Offre soumise à condition. Vous écoutez Vivacité, il est 18h. Il est belge, c'est un ancien militaire connu de la justice et ce midi il a poignardé deux policiers en pleine rue à Scarbec. La piste terroriste n'est pas écartée. Alerte à la bombe en cascade aujourd'hui, d'abord dans deux gares de Bruxelles, Bruxelles Nord, Bruxelles Midi. Et celle de Charleroi ce soir est évacuée. L'aéroport le serait également. Nous ferons le point dans ce journal. Nous vous parlerons aussi de nouvelles affiches installées à Jette, en région bruxelloise. Vous l'entendrez, elle non plus ne plaît pas à tout le monde. En sport, Thorgan Hazard veut saisir sa chance et il espère pouvoir remplacer Kevin De Bruyne vendredi face à la Bosnie. On en parle dans le journal des sports. Le journal sur Vivacité avec Delphine Vreux. Bonsoir Delphine. Bonsoir. S'agissait-il d'un acte terroriste à nouveau contre des policiers? Un homme de 43 ans, belge, a poignardé deux policiers à Scarbec. Ils sont blessés, mais en vie. Des éléments font croire qu'il s'agit peut-être d'un acte terroriste, dit le parquet fédéral. L'agresseur est donc un ancien militaire belge, connu de la justice. Les toutes dernières informations avec Myriam Ball, qui a aussi rencontré un témoin de la scène. J'ai écouté une dame crier, du coup je me suis rapproché de ma fenêtre pour voir ce qui se passait. Là j'ai vu une dame, enfin elle criait, elle était en pleurs. La femme, aperçue par ce voisin, est agent de police en civil. Elle a vu un collègue en uniforme se faire agresser par un homme armé d'un couteau. L'agresseur a porté plusieurs coups et a continué de frapper une fois l'agent à terre. La policière a donc appelé à l'aide et s'est interposée à plusieurs reprises, jusqu'à être elle-même blessée. J'ai vu l'agresseur qui frappait le policier à terre. Et il s'est mis sur lui, il l'a frappé au sol. Le policier s'est roulé un peu dans les buissons pour essayer de s'enlever. Mais il l'a suivi, il continuait de le frapper. Et après, il a frappé la dame, elle est tombée, elle était en sang. La police est arrivée à ce moment-là et ils sont sortis de la voiture et ils l'ont tiré dessus. La patrouille est arrivée en renfort, a tiré et blessé l'agresseur à la jambe. Il a été interpellé immédiatement. Ni ses jours, ni ceux des deux policiers ne sont en danger. Ils ont été blessés au cou et au ventre par une lame issue d'un kit de couvert comme on utilise les militaires. Selon une source de la RTBF, l'homme interpellé serait un ancien de l'armée. Son nom serait apparu déjà dans des dossiers liés au terrorisme. Cet après-midi, le parquet fédéral a révélé quelques éléments d'identité du suspect. Il s'agit d'Hicham D, un homme de 43 ans, de nationalité belge. Myriam Ball. Si vous rentrez en train, votre retour risque d'être, on va dire, compliqué. La gare du Nord à Bruxelles a été évacuée en milieu de journée, celle de Bruxelles midi aussi, en partie. Plus aucun train n'a roulé, plus aucun métro, tram ou bus non plus. Un arrêt qui a duré plus d'une heure à la gare du Nord. Des fausses alertes, mais de vraies complications ce soir pour les retours à l'heure de pointe. Infrabel prévient, il faut s'attendre à des suppressions et des retards très importants jusque ce soir. Et on apprend aussi que la gare de Charleroi est à son tour complètement évacuée. Maxime Paquet, vous êtes sur place. Est-ce que vous avez d'autres informations à nous donner? Oui, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que les quais de la Sambre auront rarement été aussi bondés un mercredi soir. tous les ponts sont bloqués vers la gare de Charleroi Sud. Tout le monde est cantonné du côté centre-ville. Tous les ponts sont bloqués, je vous l'ai dit, passagers potentiels, accompagnateurs de train, policiers, tout le monde est du côté centre-ville. On en sait encore très peu, évidemment. On ne sait pas trop ce qui se passe ici. On ne sait pas combien de temps non plus vont durer les perturbations sur le rail. Tout ce qu'on sait, c'est que l'accès à cette gare est bloqué pour l'instant. Certains parlent d'une demi-heure, une heure, deux heures, parfois trois heures. On ne sait pas trop encore ce qui va se passer. Mais voilà, la gare de Charleroi Sud, pour l'instant en tout cas, et du coup, toutes les gares avoisinantes, la gare de Charleroi Est, sont bloquées et les trains ne circulent pas pour l'instant. Maxime, les trains complètement à l'arrêt ? Oui. Alors les trains qui transitent ou qui devaient partir de Charleroi Sud sont pour l'instant à l'arrêt. Ça, je peux vous le confirmer, effectivement. Merci Maxime Paquet en direct de la gare de Charleroi. À la cour d'assises de Mons, la très longue plaidoirie de Jean-Philippe Mayenne pour convaincre de l'innocence de son client, Bernard Westphal. Je ne laisserai rien passer, même si tout cela doit durer des heures, a insisté l'avocat de l'accusé. Il veut convaincre que Véronique Pirotton n'a pas été tuée, qu'elle ne s'est pas non plus suicidée. Fabrice Gérard, vous suivez le dossier. Chaque point, chaque ligne est épluchée par l'avocat. Oui, ça c'est sûr. L'avocat de Bernard Westphal entame sa cinquième heure de plaidoirie. Et après avoir insisté sur le fait que le doute devait toujours profiter à l'accusé, eh bien il est en train de contester point par point tous les éléments à charge de l'ancien député wallon. Les fibres d'un oreiller retrouvées sur le visage de Véronique Pirotton, elles ne prouvent pas l'étouffement. C'est l'INCC qui le dit. Et en plus, on n'a retrouvé aucune de ces traces ni sur les vêtements de l'accusé, ni sur le sachet plastique retrouvé, lui, sur le visage de la victime. Les 35 traces d'hématome, eh bien elles s'expliquent par les chutes de Véronique Pirotton, par l'intoxication alcool-médicaments et par les manœuvres de réanimation. Quant au témoignage des deux chambres voisines du couple Westphal-Pirotton, les heures où les cris de dispute ont été entendus ne coïncident pas toujours avec la présence des époux dans leur chambre d'hôtel. Et plus encore, la chambre 502 dont provient l'un des deux témoignages ne se situe pas en dessous de la 602 où le drame s'est joué. L'avocat de Bernard Westphal ne cesse par ailleurs de citer des pièces du dossier. Je ne fais pas d'hypothèse comme l'ont fait le ministère public et la partie civile. Tout ce que j'affirme, vous pouvez le vérifier. Alors du côté des jurés, on écoute attentivement les arguments développés. On sourit aussi parfois devant l'éloquence et les bons mots de l'avocat de l'accusé. Mais alors la question qui se pose, c'est est-ce qu'il a pour autant convaincu ? Est-ce qu'il a suffisamment semé le doute quant à la culpabilité de Bernard Westphal ? Pour ça, Delphine, il faudra attendre le verdict prévu demain en fin de journée. Merci Fabrice, en direct de la cour d'assises de Mons. La direction d'ING convie à s'expliquer vendredi en commission à la Chambre. ING Belgique va supprimer plus de 3000 emplois. Les patrons devraient accepter l'invitation. Les syndicats seront ensuite entendus. Une affiche de 20 mètres carrés surgit dans le paysage bruxellois, à Jette cette fois-ci. Elle non plus ne passe pas inaperçue. C'est une photographie où l'on voit un homme uriner dans sa propre bouche. Je vous laisse l'interpréter. La photo décore, entre guillemets, la façade de l'atelier 340 Museum. Alors comment réagissent les passants à Jette ? Réponse dans le reportage de Guillaume Gilbert. Si on doit simplement avoir un critère esthétique, je trouve ça moche. J'habite juste à une rue, donc j'ai l'habitude de voir des œuvres comme ça. Je trouve que c'est pas super de mettre ça devant tout le monde. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette œuvre fait réagir dans le quartier. Son nom est assez explicite, Pissing in Mouth, en français, uriner dans la bouche. Son auteur, l'américain Keith Bowdy, a pour objectif dans ses œuvres d'évacuer la pudeur en montrant son corps nu. L'historien de l'art de l'atelier 340 Museum comprend certaines réactions. Je peux comprendre que cette œuvre puisse choquer, et je comprends aussi qu'il faille une petite explication aussi pour comprendre cette œuvre, parce que de prime abord, on a simplement l'impression de voir un type qui est en train de se pisser dessus, ce qui est le cas. Donc voilà, il faut remettre les choses dans leur contexte. L'objectif, c'est bien de pousser le public à entrer dans le musée. Il y a d'ailleurs d'autres grandes affiches à côté de celle de Keith Bowdy. Mais pour Hervé Doyen, bourgmestre de Jette, cette œuvre exposée sur la place publique va trop loin. Je trouve qu'on sort du champ du compréhensible pour le plus grand nombre. Une œuvre d'art est quelque chose, c'est un travail qui est fait par quelqu'un pour susciter une émotion, un sentiment, pour susciter éventuellement un débat. Ici, on n'est même plus dans la représentation du nu, on rentre vraiment dans le champ de l'urine, de l'excrément, et je trouve que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Le bourgmestre rappelle tout de même que son rôle n'est pas celui d'un censeur moral. Il précise qu'aucune décision communale n'a été prise pour l'instant quant à un éventuel retrait. Voilà pour ce reportage de Guillaume Gilbert. Avant de se quitter, on revient sur cette double alerte à la bombe lancée en fin d'après-midi à la gare de Charleroi. Et c'est confirmé à l'aéroport également. Un appel téléphonique faisait état d'une explosion imminente. La gare est évacuée. Des mesures de sécurité sont prises à l'aéroport. Bon, ben courage à tous ceux qui sont concernés du coup par cette alerte et qui vont rentrer plus tard à la maison. Ça va laisser le temps de penser à cette image de l'affiche avec quelqu'un donc qui fait pipi dans sa bouche. C'est quand même une prouesse. Oui. Voilà, si vous visualisez le truc, c'est pas facile, quand même. Non J'ai peut-être pas envie de visualiser. Oh, ok, ne visualisez pas. Merci Delphine, bonne soirée. Il est 18h08, on part sur les routes juste avant le journal des sports. C'est le RTBF Mobile Info avec Pierre Collard-Bovy. Bonsoir. Mais bonsoir Cyril, bonsoir à toutes et tous. Avec un accident sur le ring de Bruxelles, en intérieur, à hauteur de Groenendaal, la bande de gauche est neutralisée en direction de Waterloo. Subsiste pas mal de ralentissements encore sur le ring. En extérieur, par exemple, Zaventem Grand-Bigard, vous mettez 29 minutes de temps de parcours supplémentaire. 29 également pour l'intérieur, Zaventem Carrefour-Léonard. Plus 18 pour l'intérieur, Carrefour-Léonard au titre et plus 18 aussi pour l'intérieur, Grand Bigard, Zaventem, un accident sur la N4 à Armand-Namur à hauteur de Nartois, la bande de gauche s'est neutralisée, il y a des files en direction de Namur et puis vous perdez toujours 15 minutes vers Liège dans les travaux sur le 25 Maastricht-Liège, les travaux c'est entre Visé et Cherat, mais vous perdez donc 15 minutes vers Liège et vous perdez le même temps, 15 minutes vers Bruxelles dans le chantier sur le 40 et que ça s'appelle Bruxelles à hauteur de Cherat. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jeter devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Commandez vos portes et châssis avant le 31 octobre chez votre expert Profel et profitez de nos conditions d'automne incontournables. Profel, portes et châssis avec une promesse, la transparence. Vivacité. Le journal des sports. C'est avec François Zaleski. Bonsoir François. Bonsoir Cyril. Plein soleil ce midi pour l'entraînement des Diables Rouges à deux jours du match face à la Bosnie. Il reste néanmoins quelques zones d'ombre dans le plan d'attaque de Roberto Martinez. Oui, on ne sait toujours pas quelle tactique le sélectionneur choisira pour ce match qualificatif pour la prochaine Coupe du Monde. La défense à 3 reste quand même la piste privilégiée, mais on ignore toujours qui remplacera Kevin De Bruyne dans le milieu de terrain. Plusieurs possibilités s'offrent à Roberto Martinez. Nasser Chadli et Kevin Mirallas ont leur chance, mais le coach semble aussi compter sur Thorgan Hazard. Le problème, c'est que le petit frère d'Eden souffre du genou et ne s'est pas encore entraîné avec le groupe. Thorgan qui se rapproche malgré tout d'une première titularisation chez les Diables. Ouais, je me rapproche de plus en plus. J'ai joué quelques minutes il y a quelques années. Maintenant, ça fait longtemps que j'ai pas eu de temps de jeu, mais je travaille en club pour que ça arrive. Et là, malheureusement, je suis venu en sélection avec une petite blessure. Donc, j'ai pas pu m'entraîner encore. Mais j'espère que demain, ça ira et que je pourrai m'entraîner normalement. Et puis, oui, j'attends de recevoir ma chance, on va dire. Et après, si j'ai l'occasion de la saisir, comme d'autres l'ont fait, parce que quand tu as ta chance, ben, faut la saisir. Parce que sinon, après, le train y passe, on va dire. Autre incertitude à l'heure qu'il est, elle concerne Raja Nengolan. Le médian défensif est toujours en Italie et aucune décision n'a été prise sur sa participation aux deux prochains matchs. Du coup, Youri Tielemans va rester avec le groupe des Diables Rouges et ne jouera pas au Monténégro avec les espoirs des infos rapportées par Thierry Luters. Et puis, il y aura du foot ce soir avec la suite de la 9e journée de championnat en Division 1B. Hier, l'Antwerp avait étrié l'Union Saint-Gilloise 4-0. Tout à l'heure, Tubize recevra Oudeuvre-les-Louvain et Lommel se déplacera à Roulers. En sport moteur, Thierry Neuville poursuivra sa carrière au volant du Hyundai. Le pilote des cantons de l'Est avait fait l'objet de nombreuses sollicitations ces dernières semaines. De nombreux observateurs le voyaient même retourner chez Citroën. Mais finalement, il roulera encore deux saisons pour le constructeur coréen. Le Belge mise donc sur la continuité. C'est entre autres pour ça qu'on a privilégié la continuité avec Hyundai, parce qu'il y a même un an d'ici, personne n'aurait cru qu'on était au jour d'aujourd'hui en lutte pour la deuxième place au championnat. Enchaînant quelques bons résultats et des victoires cette année, ça prouve que Hyundai progresse année en année et rallye par rallye. Et d'autant plus, on est convaincu que l'année prochaine, on aura une véritable arme pour se battre pour les premières places au championnat. C'est l'objectif numéro un pour nous l'année prochaine, d'être régulièrement sur le podium, rendre la vie difficile aux autres constructeurs avec toute l'expérience prise dans ces dernières 3 années avec Hyundai, on en a tiré les leçons et on a beaucoup appris. C'est ce qui va nous conforter et aider à développer cette nouvelle voiture, à construire des bons résultats avec l'équipe et à être performant. Interview signée David Bertrand. Il reste encore 3 rallyes au programme du championnat 2016, à commencer par le rallye de Catalogne du 13 au 16 octobre. Et Thierry Neuville est actuellement 3e du championnat du monde. En tennis, David Goffin s'est qualifié aujourd'hui pour les quarts de finale du tournoi de Tokyo au Japon. Le Liégeois a battu au deuxième tour le Tchèque Jiří Veselý, 52e mondial, 6-3, 7-5. Goffin affrontera en quart de finale le Portugais João Sousa, à 34e joueur mondial, qui a lui bénéficié de l'abandon de la star locale Kei Nishikori. Et puis mauvaise nouvelle en revanche pour Isaline Bonaventure, la Belge qui s'est fracturé le poignet lors d'une chute à l'entraînement. Son absence est estimée à 2 mois. Bon, bah, pas de bol pour elle. Alors ici, ça s'est produit à l'entraînement, mais en cas de blessure en tournoi, comment ça se passe alors, François? Et ça dépend en fait du statut du tournoi auquel on participe. Les petits tournois ne doivent pas avoir un médecin présent en permanence. Ils peuvent se satisfaire d'un docteur appelable dans la région. C'est ce qui se faisait d'ailleurs jusqu'ici au Challenger de Mons. Mais depuis cette année, l'équipe médicale composée de kinés a intégré un médecin permanent. Il s'agit du docteur Yannick Touali, prénommé de la sorte puisque ses parents étaient d'ailleurs fans de Yannick Noah. Aujourd'hui, à 34 ans, le docteur Touali fréquente donc les cours de tennis. Il nous explique à quoi ressemble sa journée type. Donc la journée débute toujours à peu près une demi-heure avant le début des matchs, où nous sommes là pour effectuer la permanence. Il y a des joueurs qui ont besoin de soins particuliers ou bien d'un conseil, ou bien ne fût-ce qu'un antidouleur ou un antalgique par rapport à leur prise en charge. Et se termine après le dernier match, une demi-heure après, ou encore on va débriefer avec s'il y a des joueurs ou bien des soignants qui ont besoin d'un conseil par rapport à un problème particulier qui a été rencontré lors de la journée. Vous occupez aussi de ce qu'ils mangent, les joueurs. Enfin, vous conseillez ceux qui s'occupent de les nourrir dans le tournoi? Indirectement, je regarde un peu au niveau de l'alimentation qui a été proposée via l'organisation. Et s'il y a un conseil, je le donne, bien sûr. Mais ce sont des professionnels. Je ne suis pas là pour vérifier leurs assiettes, de dire ça, ce n'est pas bon, vous ne devez pas le manger. Mais s'il y a une question en particulier, je les oriente, bien sûr. Oui. Et les questions, elles étaient posées cette fois-ci par Christine Anquet. Merci François pour ce journal des sports. Vivacité. Le sport en toute complicité avec l'ADEPS. Jusqu'à 19h sur Vivacité, 5 à 7. François, tant que vous êtes là, est-ce que vous avez un produit de chez Apple chez vous? Oui, mon téléphone est dans ma poche. D'accord, alors est-ce que vous vous souvenez du moment où il est sorti de la boîte? Est-ce qu'il y avait une odeur en particulier? Ah non, ça m'a pas marqué ça par contre. Eh ben parce qu'il y a une bougie, on en parlait tout à l'heure dans le 5 à 7, il y a une bougie qui a été fabriquée maintenant avec l'odeur des Mac qui sortent de la boîte. Apparemment, il y a une odeur particulière. Moi, bon, au plus, ça m'a pas marqué. Mais... Ah, je suis assez sensible pourtant aux odeurs. Généralement, quand je sens une odeur, ça me rappelle un souvenir bien précis qui parfois date d'il y a très longtemps, mais celui-là, il m'a pas marqué. Sympa. Eh ben justement, si vous pouviez faire une bougie parfumée avec l'odeur de votre choix, ce serait laquelle? Oula, ça c'est comme ça, brûle pour point. L'odeur là, j'ai pas vraiment d'idée. Mais par exemple, c'est un peu stupide parce que c'est pas bon pour la santé, mais je la ferais à l'odeur d'essence. J'adore l'odeur de l'essence, pas du diesel, mais de l'essence. Ah, j'aime encore bien. Il paraît qu'il y a pas mal de femmes enceintes aussi qui sont assez accro à l'odeur de l'essence. Avec, je vais aller faire un petit test. L'essence se développe un peu plus, et bien voilà, l'essence. On s'est jamais. Donc, essence aussi pour vous? Ouais, j'aime assez bien, mais sinon, ce serait peut-être quelque chose de plus naturel qui évoquerait des souvenirs d'enfance ou de vacances. Ce serait sympa. Barbe à papa, pomme d'amour. Non, comme ça, le souvenir, il vient pas, mais je sais pas, c'était peut-être... Cet homme n'a pas eu d'enfance, il est né adulte. Si, mais il s'en souvient plus, je suis déjà trop vieux. Ah, ça c'est l'Alzheimer qui commence. Merci François, bonne soirée. 3063 par SMS, dites-moi quelle est l'odeur que vous verriez bien dans une bougie, la bougie parfumée, si vous pouvez la créer, c'est avec quoi? 3063 par SMS et puis sur la page Facebook aussi, je vous attends. 5 à 7, Vivacité RTBF. Dans un instant, on parle du marathon flash qui a eu lieu hier. On vous en a beaucoup parlé partout sur la RTBF et dans tous les médias. Et pourtant, il y a 24 000 conducteurs qui ont été verbalisés hier. Comment ça se fait? Quelles étaient les infractions? On en parle dans un instant. On partira aux États-Unis aussi, comme tous les soirs. En ce moment, c'est la course à la Maison Blanche, connexion avec les States tout à l'heure. Et puis, on partira à Anvers aussi, plus près de chez nous. Justin Bieber est en concert ce soir. Et depuis ce matin, il y a des centaines de fans devant le Sport Palace d'Anvers. Justin Bieber, c'est ça, par exemple. Il y a des fans qui viennent de toute la Belgique pour entendre Justin Bieber. On le retrouvera tout à l'heure. Enfin, on retrouvera des fans tout à l'heure. Et on sait jamais si Justin est dans le coin. Peut-être qu'il nous prendra au téléphone. Je ne sais pas. On essaiera. C'est avant 19h dans le 5 à 7. Le 5 à 7 de Vivacité continue dans quelques instants. Vous trouvez que l'entretien de votre voiture vous coûte trop cher? Tâchez Citroën Dragon Boss, Citroën Evair et Citroën Isère. Jusqu'au 31 octobre, bénéficiez d'une remise de 5 fois l'âge de votre auto et tentez de gagner l'entretien à vie de votre Citroën. Pour vos pneus et kits hiver, nous vous garantissons le prix le plus bas. Nous vous remboursons la différence si vous trouvez moins cher ailleurs. Citroën. Voir conditions en magasin. Shoe Discount fête cette année ses 50 ans. Et c'est bon à savoir car il y a de super réductions sur une foule d'articles et des superbes prix à gagner. Ça, c'est bon à savoir. Et la suggestion de ce soir, la lasagne royale. Excellent, Marc. Chérie, ce soir, c'est Marco. Oh, si. Réservez un moment rien que pour vous avec Come a Casa Delicious. Trois délicieux plats italiens pleins d'ingrédients frais à réchauffer au four. Découvrez aussi les raviolis di mare et les farfalle pancetta formaggio. Des nouveautés signées Come a Casa. Apportez un peu de chaleur. Mais ma chérie, je ne peux pas demander conseil à Abiome pour la couleur du nouveau canapé. Et pourquoi pas, ils ont les meilleurs conseillers, tu sais. Seulement pour les portes, les fenêtres et les vérandas, chérie. Pas pour les canapés. Abiome, depuis 38 ans, les meilleurs spécialistes. Mais seulement pour vos châssis. En ce moment, conditions automne à moins 30%. Abiome, fenêtres, portes, vérandas. Abiome.be. Salut, c'est Romelu Lukaku sur Vivacité, la radio diablement complice. Un bis sur vous en bas de l'écran et top, la victime et vous étiez proches. On a vu dans son historique d'appel que vous étiez en contact régulier avec elle. Vous êtes vu le soir de sa disparition. Où étiez-vous cette fameuse soirée entre 2h et 4h du matin? Ne confondez plus vos séries policières et vos jeux télévisés. Nouveau Ciné-Télé-Revue. Nouvelle grille, plus simple, plus claire. Ciné-Télé-Revue. Votre soin visage, prend-il vraiment soin de votre visage? Jusqu'au 31 octobre, les journées soins visage sont chez Yves Rocher. Venez tester l'efficacité de nos soins visage et profitez d'un diagnostic personnalisé réalisé par une conseillère beauté. Vous allez adorer. Les journées soins visage vous attendent dans tous les magasins Yves Rocher. Ne passez pas à côté. Testez Love It, Yves Rocher. Je comprends pourquoi cette Volvo XC60 est le SUV préféré des Belges. Oh, quelle voiture! Un système de navigation intégré, hyper clair. Parking sans stress, avec l'assistance au stationnement arrière. Et ces 8 haut-parleurs, quel son! Et avec plus de 8000 euros d'avantage, j'ai bien fait de pas hésiter. En ce moment, 8310 euros d'avantage sur la Volvo XC60. Pas étonnant qu'elle soit le SUV préféré des Belges. Rendez-vous vite chez votre distributeur Volvo. Jusqu'à 19h, 5 à 7. Candice Cotter nous rejoint dans un instant dans le 5 à 7 pour parler cuisine, comme tous les soirs dans l'émission. Mais juste avant, revenons sur cette info d'hier. C'était le 6e marathon flash que la police fédérale organisait. On vous en a beaucoup parlé. Pourtant, on apprend aujourd'hui donc que 24 000 conducteurs ont été verbalisés hier. On va en parler tout de suite dans le 5 à 7 avec Benoît Godard, porte-parole de l'IBSR. Bonsoir Benoît. Oui, bonsoir. Bienvenue dans l'émission sur Vivacité. Alors, Benoît, 24 000 conducteurs verbalisés alors qu'on en avait beaucoup parlé. C'est beaucoup ou c'est pas beaucoup? Ben, ça reste beaucoup, évidemment. La police fédérale avait annoncé la date il y a plusieurs semaines et avait fait des rappels à tort et à travers ces derniers jours. Donc vraiment, là, on ne peut pas dire qu'ils aient agi par surprise. Ceux qui se sont fait flasher sont vraiment des gens qui, tous les jours, roulent trop vite et ne pensent même plus aux annonces qui ont été faites. Il y a des infractions en particulier qui ont été relevées hier. Est-ce que c'est... On était à 121 au lieu de 120 sur l'autoroute ou bien c'était pire que ça? Non, deux choses. Déjà, personne en Belgique ne se fait jamais flasher à 121 au lieu de 120 sur autoroute. Ça n'existe pas vu qu'il y a une marge de tolérance de 6%. Donc on peut rouler à 121 et faire les foufous. Non, on peut pas. Non, c'est pas vrai, c'est pas bien. Oui, à 121, de toute façon, vous ne vous ferez pas flasher. C'est clair, oui, non, mais il ne faut pas le faire quand même. C'est 120. Un peu trop vite, c'est trop vite. De toute façon, c'est toujours mieux de respecter la limitation de vitesse. Maintenant, deuxième chose, on est loin du compte. On a, par exemple, flashé des gens qui traçaient à 80 km/h dans les zones 30 à l'heure d'entrée et de sortie des classes. Cela, évidemment, le jour d'un marathon de vitesse. Soulignons aussi que la vitesse est responsable quand même d'environ 14 à 15 000 accidents corporels, donc avec tués ou blessés chaque année. Et donc, le but n'est évidemment pas de piéger les conducteurs. Le but, c'est simplement de faire baisser la vitesse moyenne sur nos routes. De la même manière qu'en France, ils y sont parvenus, et cela pour faire baisser le nombre de tués et de blessés. Alors, on a déjà entendu à plusieurs reprises que certaines zones de police, certains parquets, étaient un peu saturés pour poursuivre tous les automobilistes. 24 000 en une journée, est-ce que tous ceux qui ont été verbalisés vont être vraiment poursuivis ou on n'aura pas le temps? Non, cette journée-là, donc les zones qui ont participé ont au préalable émis leur accord et donc forcément obtenu l'accord du parquet. Et donc malheureusement pour ceux qui sont fait flasher, ils recevront bel et bien leur PV et ils devront bel et bien le payer. Il y a un sentiment quand on est sur la route, quand on respecte la limitation de vitesse, si vous mettez bêtement en cruise control sur l'autoroute, que vous roulez à 120, vous faites dépasser tout le temps. Il y a quelque chose qui est prévu en dehors d'un flash marathon une fois de temps en temps pour diminuer cette vitesse, c'est que ce soit moins le Far West. Oui, c'est absolument juste ce que vous dites et je considère que c'est même le comportement le plus irritant quand vous êtes en effet à 120 sur autoroute ou sur des nationales où c'est permis, se faire dépasser par des gens qui tracent à 140 et ne pas vous pouvoir dépasser par exemple le camion qui sera devant vous parce que vous allez devoir passer 5-6 voitures qui elles se permettent de rouler à 140. C'est particulièrement irritant et oui, il y a évidemment des flashs sur d'autres journées que celle organisée lors des flash marathons. Maintenant, ça dépend évidemment des priorités données par les zones. On sait aussi que les services de police sont pour l'instant évidemment fort sollicités et que donc d'une zone à l'autre, ça varie très fort. Et on a encore vu un bel exemple aujourd'hui, plusieurs beaux exemples malheureux avec des alertes à la bombe fausses ce matin à Bruxelles et en cours en ce moment dans la gare de Charleroi et l'aéroport de Charleroi. On refait un point d'ailleurs dessus dans quelques minutes à 18h30. Merci Benoît d'être passé ce soir par l'émission, par le 5 à 7. Merci à vous. Bonne soirée à vous, à bientôt. 5 à 7. Tous les soirs, je me pose la même question dans cette émission. Qu'est-ce que Candice va encore nous trouver ? Bonsoir Candice Cotter. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. Vous ne me faites pas confiance. Vous vous dites que je vais venir avec des trucs complètement fous. Or, pas du tout. Hier, on sculptait de la banane et on tatouait de la banane. Hein, donc Vous allez voir, aujourd'hui, c'est pire. Alors, ce soir, place à une tendance qui nous vient du Japon et qui explose littéralement sur les réseaux sociaux, sur la toile, le salad cake. Alors, deux secondes. On entend cake, on se dit sucre, on se dit miam, on se dit gras, on se dit miam. Ah, mais il y a salade avant. Mais il y a salade avant, exactement. Donc le salad cake, comprenez donc gâteau à la salade, c'est un concept d'un autre genre. L'idée, c'est de déguster un gâteau qui ressemble trait pour trait à un magnifique gâteau esprit déco en pâte à sucre, mais entièrement fait en végétaux. Donc vous avez de jolies créations gastronomiques qui sont le fruit d'un travail, donc du travail d'une japonaise en l'occurrence, qui s'appelle Misuki Moriyasu. Elle est styliste et designer culinaire et elle a commercialisé dans son café à Nagoya ces faux gâteaux. Mais ils sont, je vous ai mis des photos sur vivacité.be, c'est de l'art, c'est un truc complètement dingue. Mais c'est avec des vrais légumes ou c'est... Vrais légumes. Ah oui, d'accord. Donc en fait, ils sont faits d'un mélange de légumes, de racines, ça c'est ce qui permet aussi d'avoir beaucoup plus de texture, beaucoup plus de relief, et d'épluchures. Et c'est tout est fait sur une base de farine de graines de soja. Il n'y a pas de sucre ajouté, le glaçage, c'est un mélange de légumes et de fromage frais à tartiner ou de tofu, esprit japonais. Et résultat, vous avez un gâteau sans gluten, vous avez un gâteau qui est très pauvre en carbohydrates, très, très pauvre en sucre, quoi. Et les ingrédients sont tous entièrement naturels. Le visuel est bluffant. Quand je vous en parle comme ça, vous dites, bon ben ok, en gros c'est une salade qu'on a mis sur un gâteau plutôt que dans un bol. Ouais, hein, si on doit... Vraiment, non. C'est un truc incroyable. Ça demande des heures de patience. Mais la fille, elle a explosé. Quoi. Son concept était tellement beau et le résultat tellement bien fait que ça s'est vraiment exporté. Et donc maintenant... Ben, l'idée, c'est que tout le monde reprend le truc. Donc, vous voyez maintenant sur Instagram, vous voyez absolument partout, des personnes qui essayent de reproduire des salades cake et ça a fait un boom. Je vous invite à aller voir sur vivacité.be les photos. Je vous invite aussi à aller voir le lien que je vous ai posté, qui est le lien du Tokyo Weekender, où on parle de sa réussite en anglais, mais vraiment, vous avez aussi des photos extraordinaires. Vous avez la photo de la fille. Et vous voyez que c'est une toute petite jeunette qui s'est vraiment lancée dans un truc, genre je suis la seule à y croire, mais j'y crois. Ouais, et ça a vraiment ça bien a fonctionné. Ouais. Et est-ce que c'est bon? Parce que vous dites que visuellement, ça donne envie, mais est-ce que il y a des chances que ce soit bon. Ça doit être bon parce qu'il n'y a pas de raison. En gros, c'est une salade mise autrement et le glaçage fait la sauce. Donc, ouais. Le glaçage fait une espèce de vinaigrette yaourt un peu dense qui doit être assez agréable parce que ça doit bien envelopper le végétal. Donc, ça ne peut être que sympa. Ça reste de la salade. Mais on est vraiment dans quelque chose, une démarche totalement artistique qui rend, je trouve, la nourriture beaucoup plus intéressante. Voilà, comment donner envie de manger des légumes. C'est du chipo, mais ça, c'est beau, quoi. C'est super beau. Ah bah ça, on va aller voir ça, voir si effectivement ça donne envie sur vivacité.be. Merci Candice, à demain. À demain. Juste après le journal de 18h30, on partira aux États-Unis. Il y a Sébastien Sabiron qui nous attend. Il était il y a quelques jours à Las Vegas. Où est-ce qu'il est aujourd'hui dans cette course à la Maison Blanche? Réponse dans un instant. Les inratables de Linebacker. On peut rater un clou, mais pas les actions promo chez Linebacker. Embellissez avantageusement votre maison avec 20% de réduction sur plein de rideaux et la confection gratuite. C'est chez Linebacker. Tu sais, chez Abiome... Oui, je sais, dommage qu'Abiome ne fasse que des châssis. Oui, mais en ce moment, ils font des conditions à moins 30%. Abiome. Fenêtres, portes, véranda. Abiome.be. En ce moment, chez Colruyt, c'est le festival des extras. Avec énormément de réductions extras sur les grandes marques, en plus des meilleurs prix. Profitez-en jusqu'au 18 octobre. Colruyt, votre garantie des meilleurs prix. Alors, vous avez déjà fait une bonne prise ? Moi, oui. Une assurance auto qui me coûte moitié moins cher. Et oui, j'ai pris l'assurance au kilomètre de Corona Direct. Direct. Et en plus, j'ai directement reçu 3000 km gratuits. Direct. Direct. Direct. Ne payez que les kilomètres que vous parcourez réellement avec l'assurance au kilomètre de Corona Direct. Et recevez maintenant en plus 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Direct. Chute de cheveux, pas de panique. Commencez vite votre cure d'automne avec le sérum traitant pur essentiel anti-chute. Un complexe breveté aux 7 racines qui renforce l'ancrage de vos cheveux. Résultat, action anti-chute 90%. 8400 nouveaux cheveux et une chevelure plus couvrante. En pharmacie, pur essentiel anti-chute, l'efficacité à l'état pur. Vivacité présente. Bonjour monsieur, vous pouvez me dire dans quel rayon je pourrais trouver du respect pour les producteurs du Sud ? D'ici 2020, faites de la Belgique le pays du commerce équitable. Et pour commencer, participez à la semaine du commerce équitable du 5 au 15 octobre. Semaine du commerce équitable.be, une initiative de la coopération belge au développement. Aussi chez Suzuki. Mais oui! Venez découvrir les nouvelles Baleno et S-Cross. Et puis vous essayerez la nouvelle Vitara. Vous pourrez même repartir avec elle dans votre cartable pour 14 799 euros seulement, soit 4000 euros davantage. Info suzuki.be. C'est la rentrée aussi chez Suzuki. Pour leurs 51 ans, Stellemans vous offre la TVA sur des centaines de nouveautés et bien plus encore. Action du 3 au 15 octobre inclus, ouvert même le dimanche 9 octobre. Voir conditions en magasin. Stellemans. OLED, LED, électro, IFI, PC, GSM, tablette, boulevard Émile Boxtal 412. Stellemans. Voici les titres de l'actualité sur Vivacité, c'est avec Franck Ruel. Bonsoir Franck. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. Une double alerte à la bombe perturbe en ce moment la gare et l'aéroport de Charleroi. La gare a été évacuée ainsi que l'esplanade devant le bâtiment réservé aux bus d'ETEC. Trains, trams et bus sont à l'arrêt, même constat à l'aéroport Carolo où des mesures de sécurité ont été prises. Dans les deux cas, un appel téléphonique faisait état d'une explosion imminente. Ce midi, c'était le branle-bas de combat à Bruxelles. Cette fois, la gare du Nord a été évacuée, la gare du Midi en partie. Là aussi, tous les transports en commun ont été paralysés. Une alerte à la bombe levée vers 14h30, mais on imagine les répercussions sur le trafic. Il s'agirait donc d'un potentiel attentat terroriste. Deux policiers ont été agressés au couteau ce midi à Schaerbeek. L'auteur des faits est un homme de 43 ans, de nationalité belge, militaire dans l'armée belge jusqu'en 2009. Selon le parquet, il est connu de la justice, notamment pour des contacts avec des combattants parti en Syrie. Les deux policiers ont été blessés, l'un au cou, l'autre au niveau de l'abdomen, mais leurs jours ne sont pas en danger. L'assaillant a été maîtrisé par une patrouille de police qui lui a tiré dans la jambe. La plaidoirie de Jean-Philippe Mayence, toujours en cours devant les assises de Mons. Bientôt 5 heures que l'avocat de Bernard Westphal tente de convaincre le jury de l'innocence de son client. Élément concret à l'appui, Maître Mayence a voulu tout au long de la journée démontrer que les déclarations de Bernard Westphal était vrai et vérifiable. Il a aussi rappelé que le doute doit bénéficier à l'accusé. Merci Franck, on vous retrouve tout à l'heure à 19h. Au niveau de la météo, la nuit prochaine sera encore bien étoilée. Les minima descendront entre 2 et 5 degrés. C'est un petit peu frais, c'est vrai. Demain, encore un soleil généreux le matin, puis l'après-midi, on surveillera des nuages bas. Ils nous viendront d'Allemagne et ils pourraient assombrir progressivement le ciel d'est en ouest. Les maxima seront assez semblables à aujourd'hui. Pour vendredi, les nuages seront plus nombreux. On exclut pas localement en Ardennes quelques faibles bruines. Au niveau des températures, comptez entre 11 et 15 degrés pour les maxima. On part sur les routes, c'est le RTBF Mobile Info, Pierre Collard-Bovy, comment ça roule? Eh bien, c'est terminé pour l'accident sur le ring de Bruxelles en intérieur autour de Groenendaal, donc la chaussée dégagée vers Waterloo, mais cela étant, il reste encore pas mal de temps de parcours, puisque vous mettez toujours 36 minutes supplémentaires pour faire le trajet Zaventem Carrefour Léonard en circulation intérieure, plus 26 encore également pour l'extérieur Zaventem Grand Bigard, plus 15 pour l'extérieur au titre Carrefour Léonard. et plus 14 pour l'intérieur. Grand Bigard, Zaventem. Attention, ce véhicule en panne sur le 19 Bruxelles-Mons à hauteur d'Ureux. Il est en bande d'arrêt d'urgence en direction de Mons, mais le conducteur travaille à la voiture du côté de la chaussée, donc soyez attentifs simplement. Un accident dans l'échangeur de Timéon, passage difficile, file à partir de Lutre dans la Motelle reliant la 54 venant de Nivelles à l'E42 vers Mons. Le camion toujours sur le flanc, un camion transportant du mazout et sur le flanc sur la N552 Avray-Pomereul à hauteur du rond-point de Tulin et la chaussée toujours fermée à la circulation à l'heure qu'il est. En revanche, terminé pour l'accident sur la N4 avant Namur à hauteur de Natois. Vous roulez maintenant en direction de Namur. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jeter devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 5 à 7. I accept your nomination for the presidency of the United States. La course à la Maison Blanche. C'est le rendez-vous tous les soirs dans le 5 à 7. On part aux États-Unis. Ce soir, on retrouve Sébastien Sabiron. Bonsoir Sébastien. Bonsoir, bonsoir. Alors, Cyril. Vous êtes en plein dans la course à la Maison Blanche. Vous empruntez-vous la route du Sud, la route Sud. La première étape, c'était à Las Vegas. Vous en êtes où aujourd'hui, Sébastien? Eh bien, actuellement, je suis à Las Vegas depuis dimanche. 5 heures de bus depuis. Je suis plutôt à Los Angeles et je suis un peu fatigué. 5 heures de route depuis Vegas et je loge à Hollywood précisément. Hollywood, c'est pas vraiment l'idée qu'on s'en fait. Moi, je suis sur Melrose Avenue et c'est. Ah non, ouais, c'est vraiment pas la carte postale. C'est même plutôt austère avec des trottoirs défoncés, des immeubles défraîchis. En tout cas, c'est une ville où on ne se déplace pas sur les trottoirs, on se déplace en voiture. Et d'ailleurs, ici, tout le monde le dit, à LA, les heures de pointe durent toute la journée. Et je crois que vous êtes aussi intéressé au hip-hop. Oui, c'était l'un de mes défis pour cette course à la Maison Blanche. On en a chacun quatre différents. Et pour l'illustrer, je suis allé à Compton, dans le comté de Los Angeles. C'est une ville qui est connue pour la violence de ses gangs, autant que pour sa production rap. C'est là qu'est né le gangsta rap. Je ne sais pas si vous connaissez, Cyril. Ouais. Le rap, le rap de gangster, un lieu aussi sinistré socialement que fertile musicalement. Et j'y ai passé une demi-journée à tourner en voiture, fenêtre ouverte, avec Keke et D, deux rappeurs ex-membres du gang des Bloods. Et ça va? Vous êtes bien, tout s'est bien passé alors? Parce qu'il y a l'image, oui, très, très, très, très quand même risquée là-bas, quoi. Oui. Bon, après, les médias en rajoutent toujours un petit peu. D'accord. Ça fait aussi partie de la mythologie qui entoure le gangsta rap et j'étais bien accompagné, donc j'ai pas eu de problème. Ok, bah ravi de l'apprendre. Sur le plan de l'organisation, tout va bien? Tout va à peu près bien. Bon, ça n'avait pas super bien commencé puisqu'à Las Vegas, pas de bagages à la descente d'avion. Ah. Ma première soirée, ça a donc été d'acheter des vêtements au supermarché. Bon, c'est pas vraiment comme ça qu'on imagine une première soirée à Vegas. Pour le reste, c'est vraiment la course au sens propre. Il faut trouver des hôtels pas chers, il faut se déplacer dans des villes tentaculaires et penser sans cesse à la prochaine étape en regardant sa montre parce que le temps nous est compté. Alors, avant de penser à la prochaine étape, on va déjà revenir sur celle où, d'il y a quelques jours, vous étiez donc à Las Vegas. C'était comment Las Vegas, en dehors des supermarchés pour acheter les vêtements? En dehors de ça, Cyril, si vous n'y avez jamais mis les pieds, c'est plus que tout ce que vous pourriez imaginer. C'est une oasis artificielle au milieu du désert, c'est 2 millions d'habitants, mais 40 millions de visiteurs par an, c'est la démesure à l'état pur. Je me suis pas mal baladé le long du strip, c'est le Las Vegas Boulevard, c'est là aussi que tout se passe, bordé par d'immenses hôtels casinos. Et on sent vraiment que les visiteurs sont ici pour tout oublier et pour se lâcher. Comme on dit, ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Mais vous pouvez quand même partager avec nous, il s'est passé des trucs à Vegas pour vous ou pas? Ouais, j'ai perdu 10$ au casino, mais bon, je sais pas si quand ça même, se mentionne. Le fou. Oui, c'était offert par l'hôtel. Alors, la prochaine étape, ce sera quoi? La prochaine étape, ce sera Phoenix en Arizona. C'est dans quelques heures. Là, je vais louer une voiture ou alors je vais prendre un bus, je sais pas encore. En tout cas, je me prépare psychologiquement à traverser une nouvelle fois le désert. Prenez des réserves quand même. Oui, des réserves d'eau et de toute façon, il y a la clim dans les voitures. Donc alors, vous êtes tout confort. Bon, à bientôt alors, Sébastien. Bonne route, bon voyage et à bientôt. Merci Cyril, à bientôt. Il est 18h37. 17h-19h, 5 à 7. Demain, on retourne aux États-Unis. Dans un instant, c'est Pop Story qui arrive avec Marc Touesca. On ira aussi à Anvers avant la fin de cette émission. Vous savez qu'il y a une star, il y a Justin Bieber qui est en concert ce soir. Et depuis des heures, il y a des centaines de fans qui sont devant les portes. On s'y connecte dans quelques minutes. Mais juste avant, je vous parlais tout à l'heure d'une bougie. Une bougie qui sent l'ordinateur Mac, de chez Apple, qui sort de la boîte. Voilà, il y a des gars qui se sont dit, on va faire une bougie qui sent cette odeur-là. Je ne sais pas si ça a une odeur particulière, mais il faut croire que oui. Et puis, par SMS au 3063, je vous demandais de me dire quelle était la senteur que vous aimeriez avoir. Il y a Alessandro de Bruxelles qui est là au téléphone. Bonsoir Alessandro. Bonsoir Cyril. Bienvenue Alessandro. Vous aimeriez une bougie qui sent quoi, vous? Mais écoutez, j'avais pensé à l'odeur lorsque j'ouvrais mon cartable à l'école maternelle. Ah bon? Il sentait quoi, votre cartable? Ben, c'était un petit peu l'odeur du cartable, la voix de tartine. C'était une odeur journalière. Et aujourd'hui, quand je le sens... dans le cartable de mes enfants, ça me rappelle justement ce moment où j'étais un enfant insouciant. Je dirais que c'est peut-être à cause de ça que j'aime cette odeur. Bah, la bonne époque, ça, effectivement. Il faut faire attention, vous parliez de boîte à tartines, mais j'avais ma mère qui me faisait parfois des tartines au brie ou au camembert. Je peux vous dire que là, l'odeur, elle n'était pas top. Effectivement, c'est différent, c'est sûr. Et vous faites remarquer dans la classe ces jours-là. Merci Alessandro, je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt. On part à Mons, chez Lily. Bonsoir Lily. Bonsoir. Bienvenue Lily, vous avez passé une bonne journée? Oui, chargée mais bonne. Chargée, vous avez vous bossez dans quoi? Dans tout ce qui concerne le management. D'accord, bon bah j'espère que ça va quand même, parce que vous avez l'air du coup un peu embêtée par cette journée. Ça va Lily? Oui, ça va, c'est la fin de la journée, donc maintenant c'est ok. D'accord, on se détend tranquillement. Lily, yes. La bougie que vous pouvez créer avec le parfum que vous aimez, ce sera avec quoi? Avec l'odeur de la peau de mon homme. Oh, c'est mignon, elle est romantique, Lily. Voilà. Ça, c'est beau, ça. Il sent bon, voilà. Votre homme? Oui, très mais bon. Mais sa peau directement ou c'est le parfum qu'il met? Je dirais que le mélange des deux, en fait. Ah, il met quoi comme parfum déjà, voilà. Comme ça, on sait Chrome. Chrome, d'accord. Donc, vous aimez bien cette odeur et sur votre homme, ça donne bien. Comment il s'appelle, l'homme? Oh, mais ça, je vais pas tout dire non plus. Ah bah d'accord, on garde ses petits secrets. Lily, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir, Lily. On continue à partager les bonnes odeurs. Hein. Si vous vouliez, si vous pouviez faire une bougie avec l'odeur de votre choix, ce serait quelle odeur? 3063 par SMS et sur la page Facebook 5 à 7 via Cité RTBF. Voici tout de suite l'histoire de vos hits. C'est Pop Story avec Marc Touesca. Pop Story. Pop Story. Créé en 1995 à Cleveland dans l'état de l'Ohio, le Rock'n'Roll Hall of Fame est beaucoup plus qu'un musée du rock'n'roll. Il est aujourd'hui le panthéon dédié à l'histoire, à la mémoire et à tous ceux qui ont écrit d'une façon ou d'une autre la grande encyclopédie du rock. Mais ce n'est que le 27 janvier 86 que l'idée a germé d'honorer quelques-uns de ses membres les plus éminents. Il y a tout juste 30 ans, un collège d'historiens, journalistes, experts ou artistes ont élu les premiers membres de ce Rock'n'Roll Hall of Fame, parmi lesquels James Brown, Ray Charles, Chuck Berry et bien sûr Elvis. Le King Elvis Presley. Elvis, où êtes-vous? Cet honneur d'intégrer la mémoire vivante du rock n'est pas réservé seulement aux rockstars. Tous ceux qui ont contribué à la légende y figurent aussi. C'est le cas du producteur et découvreur de talent John Hammond, à qui l'on doit des trouvailles aussi diverses et variées que Bob Dylan, Leonard Cohen, Billie Holiday ou Aretha Franklin. Professionnel de rocker. Le plus grand musée du rock, c'est aussi rendre hommage à ceux que l'on nomme les sidemen, ceux qui travaillent dans l'ombre des stars et des icônes. C'est ainsi qu'en 2014, l'Académie a décidé d'honorer le groupe de rock, le E Street Band, dont quelques-uns des membres accompagnent Bruce Springsteen depuis pratiquement toujours.

L'Enfant. C'est 750 mètres carrés couverts pour vos plantes, décorations, meubles de jardin et produits du terroir. C'est vendredi, samedi et dimanche. Profitez de nos actions portes ouvertes. Le L'Enfant, chaussée de Bruxelles, à 500 mètres du château de la Hulpe. Jusqu'à 19h, 5 à 7. Attention, musique! What do you mean? Des milliers d'ados, c'est Dieu qui est en Belgique aujourd'hui au Sport Palace d'Anvers. Justin Bieber sera sur la scène anversoise tout à l'heure. Les portes, je ne sais pas si elles sont encore fermées ou si elles viennent d'ouvrir. On va y aller tout de suite à Anvers, retrouver Johanna qui à la base vient de Mons mais qui est anversoise ce soir. Bonsoir Johanna. Bonsoir. Bienvenue dans le 5 à 7. Alors Johanna, ça fait des heures que vous êtes devant le Sport Palace parce que votre fille est une grande fan. Est-ce que vous, vous êtes fan aussi Johanna? Bah quand même, un petit peu, hein. Ah, alors si je vous passe un extrait, vous pouvez reconnaître. Attention, blind test. Ah. Alors, comment s'appelle la chanson? Sorry. Ah oui, on n'a pas entendu la fin, mais on avait le début. Johanna, alors, depuis quelle heure est-ce que vous êtes devant le Sport Palace d'Anvers? Pardon? Vous êtes depuis quelle heure devant le Sport Palace? Alors la communication est difficile parce qu'il y a beaucoup de monde je pense là-bas, beaucoup de monde qui est sur le téléphone en même temps. On va essayer de récupérer Johanna. Johanna, est-ce que vous m'entendez? Johanna une fois, Johanna deux fois. Ah Johanna, vous êtes là. Allô? Oui Johanna. Ah bah c'est pas facile le réseau. Donc, le monsieur, essayez de savoir à quelle heure vous étiez arrivé devant le Sport Palace. Vers 16h. Ah vers... Et il y avait déjà du monde à ce moment-là? Oh oui, c'était la folie, la folie. Alors, c'est votre fille Laura qui voulait absolument arriver le plus tôt possible? Maman aussi, hein. Ah, maman, elle veut être au premier rang. Mais alors justement, je me posais la question, parce que dans la salle, on sait que tous les gens qui ont les tickets vont rentrer. Pourquoi venir le plus tôt possible? Disons que elles sont dans un état de nerfs pas possible. Les jeunes filles, c'était pas gérable. Donc je me suis dit, vaut mieux partir à l'avance. Et on a bien fait, parce qu'ils ont mis des grillages devant le Sport Palace. Mais les entrées n'ont rien à voir avec les entrées habituelles. Ils ont carrément tout réorganisé. Et je tiens quand même à préciser, point de vue organisation, franchement, chapeau. Le message est passé. C'était ingérable. Parce qu'il y a énormément de monde qui est là, on l'a dit, il y a plusieurs centaines de fans qui étaient présents toute la journée devant les portes. Est-ce que maintenant, à 18h50, l'heure où on se parle, est-ce que les portes sont ouvertes ou vous êtes encore à l'extérieur? Non, on est dans la salle, ils ont ouvert les portes vers 17h. D'accord, et donc là, vous êtes installé, vous avez votre place, vous êtes au premier rang? Non, on n'est pas au premier rang, on est sur le côté de la scène dans les gradins. Même en arrivant à 16h? Bon, c'était des places numérotées, on n'a pas eu trop Choix. Ah bah oui, alors forcément. Ah bah en plus c'est numéroté, vous arrivez super à l'avance. Donc c'est une vraie fan. Vous avez envie qu'il chante quoi ce soir, Justin Bieber? Tout ce qu'il veut, du moment qu'il reste le plus longtemps possible. Mais par exemple celle-là. Votre fille Laura, elle est à côté de vous? Oui. Ah, vous pouvez me la passer? Oui, je vous la passe. Alors, on a une maman qui connaît les chansons par cœur. Bonsoir Laura, comment ça va? Ça va et vous? Bah, ça va super bien. Laura, qui connaît plus les chansons de Justin Bieber, toi ou ta maman? Je crois que c'est plus moi. Ah, alors on va voir. Je te passe un extrait, tu continues la chanson. À toi Laura. Baby. Bah c'est les bonnes paroles, hein. on peut pas dire qu'elle s'est trompée, c'était Baby la suite, il ne dit que ça. Laura, t'es une grande fan de Justin, ça fait longtemps que tu l'aimes et que tu veux le voir sur scène? Quand même. Eh ben je vais arrêter de t'embêter avec mes questions, je vais te laisser profiter du concert qui commencera tout à l'heure. Je te fais des bisous, bon concert Laura, et à ta maman aussi, à bientôt. Oui, au revoir. Je peux te passer un petit mot d'abord? Ah bah bien sûr. Je voudrais remercier François d'avoir fait ça pour moi. Vas-y, donc François qui a offert les places. Ah ben il est gentil François. Bisous à François et bisous à toi. Au revoir Laura et à ta maman aussi. Il est 18h52. Si on a le temps, on écoutera peut-être un petit peu de Justin Bieber à la fin de l'émission. Là tout de suite, voici les enfants de cœur. Les enfants de cœur. On me dit que les socialistes ne valent pas grand-chose. Ils fanent en un instant, comme fanent les roses. On m'a dit que Hollande relancerait la croissance. La seule chose qu'il relance, c'est la taille de sa panse. Pourtant, quelqu'un a dit, le changement, c'est maintenant. Il y a quelqu'un qui l'a dit, le changement, c'est maintenant. Eh ben, c'est quand? Eh ben, c'est quand? On m'a dit que Jean-Marc n'était pas un héros. On m'a dit que Cécile, elle sortait pas du flot. On m'a dit que Manuel, il ne valse plus très bien. On m'a dit que pour Michel, ça sentait le sapin. Pourtant, quelqu'un m'a dit, le changement, c'est maintenant. Y a quelqu'un qui l'a dit, le changement, c'est maintenant. Eh ben, c'est pas maintenant. Eh ben, c'est pas maintenant. On m'a dit que Hollande nous trouverait du boulot. La seule chose qu'il nous trouve, c'est de nouveaux impôts. On m'a dit que Hollande nous sortirait de la crise. Oui, mais lui, il préfère entrer dans les actrices. Pourtant, Hollande a dit, tous ensemble, le changement, c'est maintenant. C'est Hollande qui l'a dit, tous ensemble, Momini. Le changement, c'est maintenant. Et ben, c'est pas maintenant. Et tous ensemble, un petit bras d'honneur pour François Hollande, on s'en fout. Et ben, c'est pas maintenant. Allez-y, lâchez-vous, on en Belgique, il vous verra pas. Il verra pas. Et ben, c'est pas maintenant. Merci beaucoup, merci à tous. Bravo, Steven et Christopher. Bravo. Sur Vivacité. Vivacité. Pour finir cette émission, Thierry est avec moi au téléphone. Bonsoir Thierry. Oui, bonsoir Cyril. Vous n'êtes pas au concert de Justin Bieber? Ah non. Ah non, vous aimez la personne? Oh, pas spécialement. Pas spécialement, non. On entendait en tout cas que la maman Johanna et sa fille Laura, elles étaient bien fans. Vous êtes là pour parler de bougies parfumées, puisqu'on a appris aujourd'hui qu'il y avait une marque qui avait décidé de lancer des bougies qui sentaient l'odeur de l'ordinateur Mac de chez Apple qu'on sort de sa boîte. Vous, si vous pouviez faire une bougie parfumée avec l'odeur de votre choix, ce serait quelle odeur? Moi, ça serait l'odeur des foins. L'odeur des foins? Alors, vous êtes de quelle région? Vous êtes pas loin de Libramont? Oui, c'est bien alors, ça. Je voudrais pas me faire insulter par tous les gens de la région, mais le foin, il y a un moment où ça sent un peu la petite bouse de vache, quoi, quand même. Je suis pas tombé sur du bon foin? C'est que c'était du mauvais foin. Ah, c'était du mauvais foin, alors, ça doit être ça. Mais il va falloir que je vienne du côté de Libramont, j'y étais pour la foire de Libramont, je t'ai passé, passé là-bas. Ou alors quand c'était du fumier, peut-être. Ah, voilà, c'est peut-être ça. Au lieu du foin. On m'a pas fait sentir la bonne chose. Non, mais c'est quand il est coupé et qu'il pourrit un peu dans le champ. Là, ça. Oui, ça, mais du foin coupé ne doit pas pourrir dans le champ, normalement. Ah ben oui, mais c'est que j'habitais à côté de gens qui ramassaient pas assez vite. Voilà, c'est ça. Bon, ben je vais venir chez vous pour sentir le bon foin, alors. Non, par contre, c'est vrai, on utilise parfois le foin en cuisine et ça sent bon. Mais oui, s'il est bien réussi, ça sent bon. Eh ben, d'accord. Ben, je vais venir sentir un petit peu chez vous, ça vous dérange pas? Oh, pas de soucis. Eh ben, je vous souhaite une bonne soirée, Thierry. À bientôt. Allez, bonne soirée. Au revoir, Thierry. On va faire le tour dans l'équipe. Guillaume, il voudrait une bougie qui sent quoi? Soit les carbonades flamandes de ma maman, puisque j'adore ça, et c'est super. D'accord. Bon. Ou le poulet à l'estragon, ça se rapporte qu'à la nourriture, finalement. Voilà, donc cet homme est un estomac. Je suis un estomac, un boulibouftou, comme mes amis m'appellent. C'est ça. Donc voilà, j'adore manger, okay. Et donc j'adore ce qui sent la nourriture. Eh ben, bon appétit, allez manger, et laissez-nous tranquilles, Sophie. Il nous a donné faim. Hein. Ben évidemment, vous, une bougie parfumée, ce serait quoi? Bon, à part les cupcakes, ça doit sentir super. Mais on bon. Est que dans les trucs qui sont. Mais c'est l'heure du repas à 19h, et il faut aller manger, là. Une odeur... Oh, de plasticine. Ah oui, ça c'est vrai. Ça doit être super agréable. Ça sent un peu parfois le masse-pain aussi, pour rester dans les trucs qui... Non, de plasticine. Ok, donc ça non, tu racontes vraiment des conneries. J'ai dit plasticine. Bon, Philippe Jognot, vous, une bougie parfumée avec n'importe quoi, ça serait quoi? Ça sent le contrat, ça sent l'augmentation. Ça sent bon le papier ici. Ça sent les billets directement. D'accord, la bonne odeur du billet qui est passé entre toutes les mains, ça. On va vous laisser ici alors, Philippe, avec votre petite bougie... odeur contrat, dans bah ce cas-là. Évidemment, et on va se passer de l'odeur du billet qui est passé dans toutes les mains. C'est pas très glamour pour terminer l'émission. Non, mais c'est sale, sincèrement, se passer les trucs de main en main. C'est pour ça les bonnes cartes. Pire encore qu'un GSM.